balancer. Very Good Bad Movies, hors série numéro 1, et pilote aussi, parce que je vais pas vous mentir, c'est un peu la dèche. la saison officielle est terminée, mais du coup, comme il nous reste un mois et, avec le studio à disposition, on s'est dit que pourquoi pas ne pas continuer un petit peu toutes ces aventures formidables. Et du coup, en fait, si vous voulez, on va parler un peu de tout et n'importe quoi. Cinéma, hein, évidemment, on va pas trop partir en cacahuète, mais on peut se permettre des petits écarts en parlant de séries télé ou de jeux vidéo, parfois même, pourquoi pas. Ouais. Mais du moment qu'on reste dans une ambiance très cosy. Aujourd'hui, pour l'instant, avec moi, j'ai Sofiane. Bonjour, Sofiane. Yes, ça va, Ismaël ? Ça va bien, et toi ? Ça va, merci. Ouais. T'as eu une bonne semaine ? Oui, sachant que je suis en vacances là aujourd'hui. Ah bah oui, parce que du coup, dû à ta profession. Ça y est, oui, ouais, c'est vacances d'été, donc professeur, éducation nationale, tout ça, les gens connaissent. Et là, ouais, aujourd'hui, parce que demain, figure-toi que je me barre en vacances, je vais en Allemagne. En Allemagne ? Ouais. Pendant combien de temps ? Je reviens dimanche, c'est vraiment un week-end, on va dire. Ouais, c'est ça, prolongé. Un gros week-end. Prolongé, voilà, avant de prendre des vraies vacances à l'étranger, un peu plus loin, en Orient. Ah oui, je connais cet Orient. Voilà, et en Extrême-Orient même, ce sera peut-être c'est même sûr que c'est en août. Donc, d'accord. Voilà. Okay. Ça devait être juillet, mais finalement c'est août. Et tu vas où en Allemagne exactement ? À Cologne. Ah, Cologne. Ouais, Cologne. Alors, j'accompagne en vrai, mais voilà, comme j'avais besoin un peu de me barrer un peu d'ici, un pote m'a dit vas-y, je vais à Cologne et tout, t'es chaud. On aura du temps pour voilà, zoner tout ça. Et je sais que Cologne, c'est une belle ville. Donc je pense qu'on va bien se mettre bien quoi, comme il faut. J'ai jamais été en Allemagne, c'est un pays qui m'a jamais trop attiré. Moi je suis allé à Berlin. Ah, ça t'a pas attiré, ça c'est pas toi. Ça m'attire pas des masses. D'accord. Bah en fait c'est mal connu, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Et Berlin c'est un peu la ville voilà, un peu monde de, c'est la ville des véganes, tu vois. C'est une ville voilà, tu vas dire ça ressemble à Paris quoi. Elle est intéressante en vrai. Alors historiquement, je t'avouerais que je pense pas vraiment, parce qu'elle elle a vraiment été détruite. Je pense que historiquement, l'Allemagne, c'est vraiment le sud, à savoir la Bavière, oui. qui est très intéressant, je pense. Après, je suis pas du tout spécialiste Justement, c'est que depuis récemment que du coup, je me suis un petit peu intéressé au paysage et un petit peu tout ce qui est Allemagne. Et effectivement, c'est l'une des parties qui m'intéresse un petit peu, c'est la Bavière qui a un, qui a un côté, avec des grandes forêts, qui a un petit côté féerique. La forêt noire, la fameuse, me semble-t-il. Voilà. Et aussi un peu d'Alpes suisses dedans, enfin qui remonte. Oui. Voilà. Là où pas mal de films d'horreur ont été tournés d'ailleurs. De mémoire, je crois Détour mortel 3, je crois. Enfin, je ne sais plus, bref. Pour rester dans les films, tu vois. Mais ouais, voilà, en tout cas, Allemagne, tout ça. Et aujourd'hui, j'en ai profité. Excuse-moi, je te vole un peu le micro. Pour ramener un refrais. Ah, merci. Un fiefé schnapser, hein, un mec qui est aussi fiché au grand cinéphilisme, il faut bien le dire. C'est ses heures perdues. Voilà, c'est Terence, il est là, alias Yougad, bon de l'époque. Ouais. Enchanté. Merci de m'accueillir, les gars. Avec plaisir. Et un gars que j'ai connu il y a bien longtemps dans un cadre quasi similaire à un talk show de jeux vidéo qui s'appelait le Mogi Espy Show. Voilà. Et ça parlait de jeux vidéo et ça faisait des tests en fait, vraiment. C'était très régulier sur Dailymotion à l'époque du boom Dailymotion, oui, il a existé. Le Mogi Espy Show ? Oui. Je connais ça, sérieux ? Oui. Mais ouais, je crois et je regardais ça quand j'étais vachement plus jeune. C'était proto-podcast un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu pouvais l'écouter en podcast si tu coupais la vidéo, on va dire, mais c'était vraiment format vidéo. Oui, et aussi, c'était surtout complètement ouf. Relax en fait. On avait pas de pression. À la fin, on en a eu un peu, mais au début, on n'avait surtout pas de pression. Et donc, c'était deux compères à moi, Mogi et Laspi, alias Alex et Tristan, qui avaient fondé ça, en fait, pour répondre à la fermeture d'un magazine de jeux vidéo qu'on adorait, qui s'appelait Gameplay RPG, qui était publié par FGM Publications et qui avait, dans leur numéro mensuel, une vraie émission de jeux vidéo diffusée. D'accord. Et nous, on était fans du magazine, de ses rédacteurs et des émissions. Et en réponse à la fermeture du magazine, on a décidé de créer ça. Donc les deux créateurs, Mogi et Laspi, ont fait leur truc et ils m'ont invité et je suis devenu membre de l'équipe. Et nous, notre credo, ce qui fait qu'on a entre guillemets marché, c'est qu'on y allait en mode bande de potes. On se prenait pas la tête, on préparait au minimum, on écrivait un tout petit peu et on se lançait. Et surtout, on n'avait pas peur de passer un épisode pseudo sur un jeu à complètement délirer pendant 90% du temps. Et les 10% du temps à parler du jeu, on était complètement naturel et on testait. Et là, je pense qu'on a été un peu des précurseurs. On testait des jeux tout pourris. C'est-à-dire que ce que fait le joueur du grenier, ce que fait Squeezie, ce que font tout plein de gens, nous, on le faisait en 2006 ou en 2007. Et c'est ce qui nous faisait marcher. Ouais, je suis heureux que tu connaisses. Mais tu en as des souvenirs. Et je suis sur le cul, en fait. C'est incroyable. Jamais j'aurais cru que je puisse rencontrer quelqu'un de cette émission. Après, je t'avoue, ça fait tellement longtemps, Dailymotion. Ça date. J'ai des souvenirs assez très, très vagues. On s'est arrêté en 2011, à peu près. Ouais, c'est ça. En fait, je pense c'est notamment dû au fait que ce soit arrêté. C'était pendant la migration un peu Dailymotion. Il y a eu une période, en fait, de migration où il y avait Dailymotion. Il y avait un peu avant, BB300 et Hooper qui étaient les deux plus gros casteurs de jeux vidéo de Dailymotion qui ont migré sur YouTube. Et nous, on avait toujours dit non à ça. Pas par militantisme, mais parce que simplement on était attaché à Dailymotion. Mmh. On avait rencontré le personnel de Dailymotion, on avait un peu un rapport avec eux. Et tout simplement, le fait que les gens soient partis vers YouTube, ça a tombé au même moment qu'au moment que nous, on ne pouvait plus suivre. Mmh. On était étudiants, on vivait plus dans les mêmes villes. Voilà. Ça n'a rien à voir avec YouTube. En fait. Sachez qu'il y a un certain NarutoBis qui était abonné à votre... NarutoBis. Oui, NarutoBis. Oui. Joli dossier. D'ailleurs, c'était avec deux i, parce que je ne savais pas faire le i très bas sur le clavier. Ah, d'accord. Pour vous dire à quel point j'étais jeune. C'est beau, ça. C'est très, très belle histoire. Avec les deux points, en fait. Non, belle histoire. Ouais, bah non, mais c'était des trucs vraiment à l'ancienne. Il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait quoi ? Ouais, Bibi, t'as dit, Hooper. Je crois qu'il y avait Usul aussi. Moi, je regardais aussi un collectif qui s'appelait Frappe, c'était jeu. Avec qui ils faisaient du walkthrough, etc. Mais ouais, là, j'ai vraiment une difficulté à me remémorer tout ce qu'il y avait sur Internet, alors que c'était vraiment le moment où on passait beaucoup de temps sur les trucs de vidéo. Bah, ça a commencé un petit peu à ce moment-là, parce que la vidéo à la demande sur YouTube, etc., il faut rappeler que c'est quand même seulement 2005-2006. Mmh. Et nous, on a un peu épousé le délire en essayant de lancer notre émission, mais ce n'était pas aussi facile et courant qu'aujourd'hui, où à peu près n'importe qui peut avoir sa chaîne YouTube. T'as un gros PC, tu te fais ton truc, alors qu'à l'époque, il fallait quand même investir. On avait commencé avec l'enregistreur Windows, qu'il fallait réactiver toutes les minutes, avec le casque de Socom Navy Seal sur PS2. Ensuite, on a évolué, on a eu une console comme celle-ci. Mais c'est vrai que Dailymotion, c'était un peu le berceau du paysage audiovisuel qu'on a un peu aujourd'hui en France, notamment, avec, le collectif French Nerd, avec le Visiteur du Futur, etc. Dailymotion. Ouais, tous les trucs se sont retrouvés sur Dailymotion très vite. Le problème, c'est que Dailymotion, aujourd'hui, c'est un petit... En plus d'être déserté, pas mal de vidéos ont été supprimées, mais c'est quand même, encore aujourd'hui, un petit terreau, un petit... De court-métrage, notamment, non ? Mais aussi un petit coffre à souvenirs avec pas mal de choses qui sont restées, en fait. Et on peut y retourner comme un travail d'archéologue, si tu veux. Mais il y a aussi, c'est toujours la bonne astuce, comme c'est une plateforme qui a été désertée. Des fois, tu peux tomber sur des vidéos, un peu glauque. Mais tu vois, on parlait de PNL. Le clip de PNL qu'ils ont tourné au Japon, où ils fument des bédos dans des maisons japonaises traditionnelles, il est que sur Dailymotion. Ah ouais. Il y a moins de restrictions, et donc il y a un accord aussi. De contrôle un petit peu moins sévère que sur YouTube, où il y a des gens qui regardent toutes les vidéos postées. Hein. D'ailleurs, c'est des gens qui deviennent fous, dépressifs. C'est vrai. Hein. Et Dailymotion, c'est aussi le YouTube bis quand ton lien marche pas ou quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et t'as des sites comme Gamekult qui décident de faire de Dailymotion leur lecteur par défaut aussi. Ouais. Ça par support peut-être du Made in France. Ça et Chroma notamment de Karine Debache. Chroma. D'ailleurs, avec qui ils avaient fait un partenariat pour lancer justement l'émission Chroma. Avant de faire le Ulule, et au final, avec le Ulule, ils auraient pu très bien faire ça tout seuls. Ouais. Mais bon, je sais pas si d'ailleurs ils vont faire une saison 2. J'espère. S'il y a une saison 1, c'est qu'il y aura une saison 2, je pense. Ouais, j'espère quand même. Je sais pas comment ça se passe au niveau des financements. Ont-ils tout utilisé du premier financement, étant donné qu'il y a énormément de thunes, Mais je sais que depuis un an ou deux, là, ils n'arrêtent pas de faire des grosses soirées, des grosses soirées au Forum des Images. Diffusion, ils invitent Chroma Cross Panic. Exactement. Panic Cross Chroma. Exactement. Ils avaient notamment invité Eric Judor. Il y avait Eric Judor. C'est Steak qui avait dû diffuser. C'est ça. Ils avaient aussi invité Tommy Wiseau et Greg Sestero pour Zorro. Ouais, ils étaient venus, Ce qui est très drôle parce que la première fois que j'ai découvert Karim Debache, c'était une vidéo sur la chaîne de Real Myop où il résumait justement le film The Room en voix off avec Usul. C'était extrêmement drôle. Je vous la recommande. Ok, c'est super. Franchement, le monde est tellement petit, c'est formidable. Encore une fois, je suis en roue libre totale, mais on peut évoquer le fait qu'on a vu tous les deux le film Parvana. Parvana, Je crois que c'est ça. Il y a un sous-titre, j'ai oublié le nom. C'est une enfance en Afghanistan, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Donc le résumé est dans le titre, Une enfance en Afghanistan. Ouais. C'est un film d'animation qui a gagné pas mal de prix. Si on devait le résumer, moi je dirais qu'il est très beau et très tire-larme à la fois. Ah, trop tire-larme. Ouais. Tu m'as lu sur Twitter, toi. T'es lu. je l'ai dit parce que j'ai pris contact avec une personne sur Twitter qui comme moi, a cette manie d'à chaque fois qu'elle sort d'un film, Bah, elle écrit une pseudo critique de quelques lignes, voilà, imitation Twitter, avec des trucs assez, voilà, des gros feux, quoi, histoire de dire si c'est rouge ou si c'est vert. Et c'est marrant, j'aime bien moi ces trucs-là, comme ça tu sais vite si tu dois y aller ou pas, et du coup on se répond, entre répond dans les commentaires, et c'est intéressant. Et ouais, j'ai vu qu'elle avait vu Parvana, et des fois ça me surprend comme quelqu'un peut avoir quasiment voir un autre film, en fait on dirait que pas avoir le même avis du tout, mais vraiment un avis à l'opposé total. Celle-là c'était le cas sur Parvana, où la personne avait trouvé ça fabuleux tout ça, alors que moi je trouve que c'est vraiment demi-teinte. Alors moi j'ai un problème là, j'arrive plus, et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec l'animation japonaise maintenant. Pas tout, hein, bien sûr, même les mangas en général. J'ai du mal avec pas la mauvaise écriture, mais l'écriture paresseuse. C'est-à-dire que dès que tu as des dialogues que toi tu pourrais écrire, alors que tu n'es pas écrivain, ou alors que tu pourrais retrouver dans un autre manga, Parvana c'est vraiment le cas d'école. Des dialogues horribles, vraiment horribles. C'est insipide. Ah bah, tu devrais travailler à l'école. Enfin voilà, avec des accents. J'ai pas compris pourquoi des accents. Oui, parce que c'est des doubleurs iraniens, alors que ça se passe en Afghanistan. Ouais. C'est vrai qu'il y a une partie de l'Afghanistan qui parle le farsi aussi, mais là en l'occurrence, ils parlent le pachto, qui n'est pas une langue parlée en Iran. Bref, c'est méli-mélo, pas possible. Mm. Parfois, ils ont tous des noms rebeux, alors que la plupart des Afghans n'ont pas des noms arabes. Hein. Ils ont des noms à consonance indo-européenne, tout ça. Iranienne, enfin perse, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas le même univers, et là c'est un peu fourre-tout. En fait, c'est un film qui en fait tellement, je trouve, que en fait il devient inattaquable un peu. Ouais. C'est un peu un bouclier de la bien-pensance, c'est-à-dire ouais, bah, comment tu peux traiter, bah non, c'est horrible, vraiment, je trouve ça chiant de bout en bout. Il y a des passages très beaux, et c'est peut-être là le seul, pour moi, il y a deux qualités au film, c'est l'animation sur certains plans, oui, pas tout, des fois pas c'est tout. Très inégal. Et la musique qui est fabuleuse. Vraiment, la musique est trop bien. Là, on est d'accord. Elle est très, très bien. La musique, c'est de la musique traditionnelle, hein, j'imagine. Vu qu'il y a des instruments sitar, tout ça. Je trouve ça vraiment stylé, quoi. Mm. La musique, ça m'a donné envie d'en écouter, même comme ça, quoi. Moi je t'avouerais que par rapport au film, le reproche justement que j'ai par rapport à l'écriture des dialogues. C'est horrible. Comme les personnages principaux sont des enfants de moins de 10 ans, moi j'ai un problème, et c'est quelque chose qu'évoque assez souvent Camus Robotique dans ses podcasts. Pfff. C'est mettre des beaux mots. Encore lui. Un jour je vais l'inviter. Ça, c'est l'ombre qui plane. Il est partout. Hein. Ouais, il a un univers, le gars. Mm. C'est quand l'écriture met des bons mots d'adulte dans la bouche des enfants, où en fait, si tu veux, des enfants... Ouais, je vois ce que tu veux. Alors, c'est pas naturel. C'est pas naturel, en fait. Alors certes, ils vivent dans un monde extrêmement dur, extrêmement compliqué et violent avec eux et leurs alentours. Mais quand tu découvres le personnage de... Parvana. J'arrive pas à le retenir, c'est incroyable. Mm. Parvana... elle parle de façon extrêmement antipathique. Alors, je ne sais pas si c'est l'adolescence ou je ne sais quoi. Mais... elle est enfant, elle n'est même pas adolescente. C'est ça. Et en fait, je ne sais pas. Et moi, je n'ai pas réussi à apprécier ce personnage avant un long moment. T'as pas l'impression problématique. Que ce problème de mettre des mots d'adultes dans des enfants, dans de la bouche d'enfants de 10 ans, même plus jeunes ou plus... T'as pas l'impression que c'est un problème inhérent au cinéma français en général? De manière générale, si, oui, clairement. Que les écritures de script n'arrivent jamais à transcrire réellement ce qu'est l'enfance. Il n'y a pas un film, je trouve, dans le cinéma français qui te montre vraiment « Ok, l'enfance, c'est ça. » Ou l'adolescence, même. Il n'y a que des films dans lesquels il n'y a pas de script, comme « Être et avoir ». Ouais, qui, ça, c'est horrible. Qui, te font rentrer dans l'enfance, mais c'est pas très intéressant. Tu vois, c'est des enfants tout petits. Ouais, ouais. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai pas vu Parvana, mais est-ce que t'as pas l'impression qu'un film comme ça d'animation français qui... Je sais pas si c'est français par contre, parce que j'ai vu le... J'ai l'impression que c'est français. Je check. Ouais, moi aussi, parce que voilà, enfin, je l'ai vu qu'en France, quoi, j'en vois pas de trucs. Est-ce que t'as pas l'impression que les films comme ça, français, qui se passent dans des pays du Moyen-Orient ou dans des pays d'Afrique, qui vont tirer la corde, guerre, réfugiés, guerre, islam, à la Persépolis, tout ça, est-ce que t'as pas l'impression que c'est quelque chose, comme tu disais très bien, d'inattaquable? Voilà. Et donc que ça justifie tout un tas d'écarts et de paresse, en fait. Ouais, bah oui, je suis d'accord. Dieu sait qu'il y a eu des très bons films de ce genre-là, mais... Alors juste, petite machin, c'est un film irlandais, canadien et luxembourgeois. Ouais. C'est français. Il y a du franco, de la francophonie. Il y a de la francophonie dedans. La VO, c'est en français. La VO, non, je crois que c'est en anglais, mais avec des acteurs non-name. Par contre, la VF, il y a Goldshifteh Farahani, là, voilà, qui est une actrice qui est proche du zéro, du néant, en termes de charisme. Enfin, voilà, je sais pas quoi. On a Gulfish Tefarani pour le rôle principal. Voilà. Mina Khosravani pour Shosia. Alexandre Abidesdeh. En fait, c'est que des acteurs iraniens, de près ou de loin. Il faudrait écouter la VO, du coup, et là, peut-être que les dialogues sont plus adaptés. Sachant que la VO, c'est une gamine qui fait la gamine, et là, c'est une adulte qui fait la gamine. Oui, voilà. Dans la alors, effectivement, ça ajoute au fait que... Ça fait bizarre. C'est bizarre. Mais c'est comme ce décalage entre, au Japon, les enfants, les femmes qui font des voix d'enfants, et en France, et les femmes qui font des voix d'hommes aussi, hein, Goku. Les femmes filles, qui font des voix de petits garçons. Oui, de petits garçons. Mais tu sais, c'est pareil en France aussi. Oui, mais plus maintenant. Plus maintenant. Brigitte Le Cordier, c'était le cas. Bon, elle faisait Son Gohan, mais aujourd'hui, quand tu regardes un film français, c'est des voix adultes, quoi. C'est Norman, c'est Squeezie, c'est machin. C'est Orelsan. C'est Orelsan, le rire jaune. Il est éclaté. Mais ouais, c'est des voix, c'est gringe, voilà, qui double un gamin, quoi. Donc, c'est, je sais pas, parce qu'ils ont du mal, justement, ouais, je pense que ça, c'est en lien avec ce que tu disais, c'est qu'ils ont du mal à cerner des tessitures de voix d'enfant, de qu'est-ce qui collerait, quel dialogue, quelle écriture collerait qu'une voix d'enfant. Et là, c'est totalement le cas. Et c'est tellement, je trouve, maladroit dans le film que c'est beaucoup d'adultes, et en plus des adultes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Du coup, comme c'est du... Ils apprennent le texte... en phonétique, et ils le disent, et tu sais, ça bloque des fois, le mot est mal dit, ou le mot est trop, enfin la phrase, ça se voit qu'elle a pas pris sa respiration. Pas toujours compréhensible. Je sais plus dans quel film, si vous avez des exemples, mais je sais que dans plein de films, des étrangers ont appris texto, enfin phonétique, ce qu'ils devaient dire, et ils l'ont dit. Ça c'est un classique dans les films américains. Ils l'ont retranscrit. Les personnages français doivent parler, ils prennent des Québécois. Dans Captain Phillips, l'acteur somalien, qui est très bon, quand il répète des trucs, c'est inaudible, quoi. En anglais? Ouais. Et il parle pas anglais, en fait. Il parle deux, trois trucs d'anglais pour faire flipper Tom Hanks, mais tu vois que c'est pas maîtrisé. Mais le gars a un naturel et un charme qui fait que ça marche, tu vois. Ça passe. Et oui, effectivement, faire retranscrire phonétiquement un mot d'une langue étrangère pour le faire prononcer à un acteur, c'est pas vraiment une super méthode, quoi. Une bonne idée, ouais. Ça a jamais marché, hein. Bah, ça donne un décalage chelou, et au final, t'y crois plus, encore plus dans un truc qui est destiné à des gosses, un peu. Moi, j'ai vu le film avec des gosses qui étaient dans la salle. Et alors je pense que si j'avais été un gosse, je pense que j'en aurais rien à foutre du film. En vrai, par moments, je me disais, ah, quand même, c'est peut-être un peu dur pour eux. Mais au-delà de ça, en vrai, quand la séance était finie, les enfants sautaient et rigolaient comme si de rien. Ouais. Donc en vrai, moi, bêtement, je me serais dit que ça peut être intéressant pour eux qu'ils aient un regard sur justement des événements et une société totalement différente. Mais une société caricaturale encore. Hein. Ouais. Caricaturale. Parce que les femmes là dans ce film, faut le dire, les femmes dans ce film, c'est pire que des animaux, quoi. Ils les ont dépeints comme alors que Dieu sait que, je sais que dans les pays musulmans tout ça, une femme, elle peut te faire un scandale à un homme et il y a personne qui bouge dans la rue, hein. Et les femmes, elles ont une espèce de patrimoine qui va les rendre intouchables à partir d'un certain seuil, en fait. C'est-à-dire que dans l'intimité, certes, il y a des cas comme en France, hein, de maltraitance, tout ça, de conjugal et tout. Mais je sais qu'un pays comme l'Algérie, que je connais bien, une femme qui crie dans la rue sur un homme, c'est pas l'homme qu'on va défendre, tu vois. Tout le monde va être du côté de la femme. Et je sais que les histoires de famille, où dès qu'il y a embrouille et tout, c'est les femmes qui sont au front, tu vois. Donc c'est des trucs très nuancés et qui, malheureusement... dans ce film-là, on ne les retrouve pas, quoi. Après, je ne connais pas l'Afghanistan. Et j'imagine que l'Afghanistan, c'était hardcore, notamment à la période des talibans. Parce que là, ce n'est pas l'Afghanistan d'aujourd'hui. Là, c'est dans le truc. C'est un Afghanistan, pré-invasion américaine. D'ailleurs, on voit quelques passages. On voit des avions. Ouais. Joli tout ça. Donc sinon, le film, il ne sert un peu à rien, quoi. En plus, j'ai vu Totoro la semaine juste avant. Je l'ai revu au Wall. Et là, tu vois un film où on te capture l'enfance. Ah ouais, exactement. Là, tu vois, c'est quoi la maîtrise. Vraiment. Et puis, c'est universel, en fait. Ouais, exactement. Moi, ma nièce, elle a 7 ans. Depuis qu'elle a 4 ans, toutes les semaines, elle regarde Totoro. Ah ouais. Et pas parce que son tonton... parce que j'ai habité au Japon 4 ans, je viens de revenir. Pas parce que son tonton, il est au Japon, mais juste parce qu'elle aime bien, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis, Totoro capture l'enfance. Oui, ouais. Avec une innocence et une justesse qui est... qui est parfaite, en mêlant des trucs assez incongrus comme les croyances japonaises, la campagne, la parentalité, la maladie, le fait de grandir, de devenir un peu indépendant, découvrir la vie. l'adversité. Je sais pas comment ils font. C'est vrai que c'est essentiel les films pour enfants en fait de manière générale. Ah oui, parce qu'on a souvent la vision où en fait on se dit c'est pas grave, c'est un film d'enfant, c'est pas grave s'il est pas c'est deux fois plus je pense que c'est deux fois plus important de que ce soit qualitatif et que ça raconte quelque chose d'important. Je suis d'accord avec toi, les Miyazaki généralement ils marquent énormément tous les Miyazaki, la plupart. Moi ça a été mon cas pour comment ça s'appelle Le Voyage de Chihiro. Vraiment ça a été une découverte incroyable, c'était une merveille visuelle. Créative et ça m'a vraiment marqué ce film là, je l'ai regardé une bonne dizaine de fois. Kiki la petite sorcière pareil, ouais, ça a le sens des responsabilités et les bons et mauvais côtés de grandir tout simplement avec une simplicité monstrueuse quoi. Et en plus, la ville ressemble à la France, donc Vraiment. Le public des jeunes Français. C'est une ville. Vous savez que vous me faites une transition incroyable, parce que il se trouve que les deux invités qui sont autour de la table actuellement ont été des gaijin au Japon. ils ont eu la chance de pouvoir vivre dans le pays du soleil levant. Surtout pour la toi. Chance, la chance. Surtout pour lui, pas lui. Bon, toi, c'est mon daron en termes de japonais. Tu avais un petit peu quand même. Oui, oui. Surtout que toi, tu viens du côté du pays soleil couchant, hein, le Maghreb. Donc, c'est vrai. C'est vrai, le Maghreb en arabe, ça veut dire le couchant. Eh oui. La vanne. Super. Franchement, j'ai été pas mal. Juste, la planète, c'est le Japon qui est l'inverse de l'Algérie et du Maroc. Quoi. Pourtant, Vegeta est algérien. Ouais, c'est vrai. c'est ça, il vient de l'autre côté. Il a migré. Voilà. Du coup, juste pour, on va vite embrayer sur quelque chose du cinéma, mais après, on va se permettre de vriller un peu sur un plus gros thème, le Japon. Moi, une question que je me pose, c'est qu'au Japon, quand un film sort, par exemple en France, au Japon, ça sort vachement plus longtemps, non? Ça dépend lesquels. Ça va dépendre. Si c'est le Hobbit ou un Star Wars, ça sort le même jour. Une sortie mondiale. Et ça, c'est pas forcément le Japon qui le décide. Ça peut être aussi les distributeurs. Oui. Mais un film qui va être vraiment entre gros guillemets plus de niche, c'est-à-dire tout sauf le Hobbit et Star Wars, ça va sortir en général avec du retard. Voire, ça va pas sortir et d'un coup, il apparaît. Ouais. Là, par exemple, c'est ce qui s'était passé moi quand j'y habitais. Je furetais, je voulais absolument voir Budapest Hotel, le dernier Wes Anderson. Ouais. Mmh. Pas de nouvelles. Et puis d'un coup, je me rends compte que le film sort dans deux semaines et le film était disponible en France depuis je ne sais pas combien de temps. En Blu-ray et tout, en film au cinéma, mais dans des salles d'arrêt d'essai, dans des petites salles. L'autre exemple incroyable, c'est The Monuments Man, bon, qui est pas un chef-d'œuvre. Le film avec George Clooney qui sauve le monde et qui prend des œuvres d'art. Il est sorti avec quelque chose un an et demi de retard, je crois, au Japon. Ouais. Et donc ça va vraiment dépendre de si le marché japonais est fait pour le film, ce qui en général n'est pas trop le cas. Et quel va être le taf du distributeur derrière, quoi, tout simplement. Il faut savoir que le marché du cinéma japonais est inondé de... Pardon, mais inondé de grosses merdes. Les Kamen Rider, X machin... Les adaptations de drama, les mangas version longue, mais pas les bons mangas, hein, les mangas commerciaux version longue, les concerts de groupes de rock cinématographiés dans des films de deux heures, avec un docu... Tu vois, genre aller voir du Exile Tribe pendant deux heures au cinéma. T'imagines, toi ? Moi, je l'ai fait avec un pote, j'ai testé. Tu vois. Alors, c'est un enfer. Bah, ton cerveau, à la fin, il a fondu par les oreilles. Surtout que le cinéma coûte très cher au Japon. Le cinéma coûte très cher. Il y a combien de places ? C'est 1800 yens la place. Ouais. Donc, en réalité, c'est un peu similaire à la France. C'est 11-12 euros la place. Mais au Toho cinéma de... Ouais, c'est 1800 yens. 1800 yens là-bas, le tarif normal, c'est 1800 yens. Et il n'y a pas de tarif autre, sauf si t'es une femme... Le premier mardi du mois, un truc comme ça, c'est 1000 yens. C'est un peu random quand même. Voilà. C'est vraiment très ciblé. C'est genre le Woman Girls Day. Ouais, c'est fait exprès. Il n'y a pas de tarif étudiant, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il n'y a pas de carte illimitée, j'imagine. Il n'y a pas de carte illimitée, mais il y a des cartes de fidélité. C'est pas vu comme culturel, en fait. Comme en France. C'est plus vu comme culturel. Il faut savoir que le Japon a eu, comme les États-Unis, dans les années 50-60, une culture du midnight movies ou du film, des double features. C'est-à-dire que tu allais voir un gros film avec des superstars. Et tout de suite après, il y avait un plus petit film avec des moins grosses stars. Mais qui, nous, en France, nous paraissaient l'un comme l'autre des bijoux. Et du coup, cette culture d'aller au cinéma sans arrêt, pas cher, les anciens te la racontent. Les anciens avec qui j'ai pu parler cinéma, etc., me disaient, moi, dans le temps, ça coûtait 300 yens, j'allais voir deux films, j'étais content. Il y avait telle star. Les dames avaient leurs idoles, les messieurs aussi. D'ailleurs, l'un d'entre eux est mort il n'y a pas longtemps, le Clint Eastwood japonais. J'ai oublié le nom... Ken Takakura, qui a joué dans un James Bond d'ailleurs, le troisième il me semble. Et le cinéma actuel au Japon, tout ce côté production d'arrêt d'essai qui à la base était une production de masse, mais qui pour nous on la voit en tant qu'arrêt d'essai. Oui. Les Jidaigeki, les Gendaigeki, les films de KPDP, pour eux, c'était de la production un peu massive, quoi. Mmh. Alors que nous, on a vu ça comme de l'art. Mais... Ah, vraiment, genre les chambas. Ah, c'est vrai que les chambas, il y en a à mort. C'était un peu comme les films de la Shaw Brothers à Hong Kong. Ouais, c'était tourné à la pelle. Hein. C'est vrai que tu regardes les Atoichi à l'ancienne avec l'accent du Kansai, avec le, enfin, avec le nez et le nasal. On connaît 8% de ce qui a été fait. Ouais, ouais. Le reste n'existe plus, n'est plus exploité, etc. Quand tu vas dans les boutiques de cinéma à Tokyo, il n'y en a pas beaucoup, et que tu regardes les affiches, par exemple, de films des affiches de films à vendre, il y en a un milliard. Moi, je pensais connaître le cinéma japonais. En fait, je connais rien du tout. Kurosawa, on connaît, quoi. C'est tout. Je connais rien du tout. On connaît Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, un petit peu de Naruse, un petit Koreeda, peu d'autres. Tout ça. Mais en fait, il y a eu ce qu'on appelait des artisans, des faiseurs, des gens qui faisaient des films vraiment pour la masse, qui en ont fait des centaines et des centaines. Nous, on a complètement oublié ça, le patrimoine mondial. Mmh. Et le Japon aussi. Ce qui fait que, ayant oublié cet héritage culturel du cinéma à la japonaise, le cinéma d'art et d'essai actuel, par exemple la dernière Palme d'Or de Hirokazu Koreeda, au Japon, ça ne sort pas. Oui, ou alors, ça sort Kazoku, dans une salle, ou deux salles. Ou alors... dans quelques salles, quelques jours à travers le pays, ce qu'ils appellent les roadshows. Ils s'en battaient les steaks au Japon de Manpiki Kazoku. Ils s'en foutent. Alors après, Manpiki Kazoku, comme tu dis, la famille qui vole à la tire. Ouais, quoi, c'est ça, ouais. Il y a eu un problème politique aussi, c'est parce ça, que ça critique le gouvernement Abe, etc., ouais, etc. Bon, si t'enlèves complètement la satire politique qui est dans ce film, qui est quand même quelque chose de rare au Japon, ouais, on critique rare, pas trop la politique au Japon dans les films qu'on va nous appeler des films d'auteur. Au Japon, ça sort quasiment pas. Moi, par exemple, Kurosawa Kiyoshi, qui est un des cinéastes d'avant-garde en ce moment au Japon, qui n'a rien à voir avec Kurosawa Akira, ils n'ont aucun lien de parenté, ils ont juste le même nom. Pour aller voir son dernier film, à Tokyo, il faut se lever tôt, il faut aller dans tel cinéma, à telle heure, et puis... Pourtant, il y a de la SF semi-mystère fantastico. Oui, c'est une histoire de fantôme. C'est Kishibe Monogatari, je crois. Ah, c'est ça. L'histoire, enfin, c'est comment... la légende du bord de rivière, j'en sais rien comment tu traduis, mais voilà, donc... tu me posais la question, voilà, les films occidentaux vont prendre parfois beaucoup de temps à arriver, sauf s'il y a un potentiel monétaire gigantesque derrière. Les Marvel. Et les bons films, ce qu'on va appeler nous, entre nous, des bons films, ça arrive très tard, c'est pas beaucoup distribué, et parfois ça n'arrive pas du tout. Mais comme les Marvel aussi, bon exemple, ça arrive tout de suite. Bah, pas toujours parfois, je crois. Ça arrive vite, on va dire. Arrive vite, ça arrive plus vite. Il y a une grosse fanbase au Japon de Marvel. Ça arrive plus vite que le dernier des frères Cohen, que le dernier Clint Eastwood. Voilà. J'avais vu que Wind River est sorti il y a 2 semaines au Japon en Blu-ray. Ah ouais. Pas sorti en salle, il est sorti il y a un an en France. Voilà, tout ne sort pas en salle non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et quasiment rien n'est doublé, c'est ça ? En japonais. C'est que du sous-titrage ? Principalement, non ? Il y a... peu de doublage, c'est vrai. Il y a des doublages pour les très très très gros films. Avant, il y en avait plus. Par exemple, Akio Otsuka. Ça te fait rire. Mais Akio Otsuka, qui est la voix de Snake, c'est la voix de The Rock. Attends, Akio Otsuka, c'est pas Akio la voix Otsuka. De... C'est pas... La voix japonaise de Snake, enfin de Naked Snake, dans MGS, de... C'est pas la voix de Kazuma Kiryu. Non, Kazuma Kiryu, c'est Takaya Kuroda. Non, c'est Takaya Kuroda. Okay. C'est Takaya Kuroda qui fait la voix de Ken dans Maintenant. Oui, bien sûr. Voilà. Le doublage au Japon a tout un délire aussi. Hein. Mais pas dans le ciné. Enfin, pas dans le ciné étranger. Pas dans le ciné étranger. Moi, je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire qu'il y a certains films où on va promouvoir le casting de doublage presque autant que le casting original. Comme il y a en France aussi. Hein. Quand on a un énorme film choral qui sort en France et que dedans, t'as Daniel Balavoine. Daniel Balavoine. Il est mort. Toutes les stars du moment. Louane, je sais pas quoi. Et tout. Voilà, Louane, Pierre Ninet, Marina Foïs, Joy Star, ce que tu veux. Ouais. Et on va aussi le promouvoir, on va aussi le mettre en avant. Ouais, bien sûr. Surtout quand c'est pour les enfants. S'il y a Gad Elmaleh, parles de ça, s'il y a Elie Semoun et tout. Les voix. Mais les gens qui vont faire les doublages de gros films hollywoodiens sont parfois assez mis en avant. Au Japon. Puisque le CIU, c'est quelque chose de très respecté. Mais je crois me souvenir d'avoir vu des images d'avant-première de films à la Marvel, justement au Japon, avec justement le casting. Et il y a les CIU à côté, justement. Ah ouais, exactement. Ah ouais, ouais. D'accord, parce que j'ai un gros fan sur Instagram de Marvel, un japonais. Et ils postent tout et j'ai jamais vraiment vu de trucs là-dessus, quoi, de seiyuu, de... Donc la voix de Captain America est un mec coté au Japon, quoi, j'imagine. Ou Thanos. Encore une fois, tous les films ne sont pas doublés, donc je ne sais pas si les Marvel l'ont été ou pas. Ça doit être bizarre, parce que sur 10 ans, je pense, ça me surprendrait qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que tous les films soient doublés et qu'ils aient les mêmes doubleurs à chaque fois, ça va être un peu compliqué. Ça va être fait un peu à l'arrache là-bas, non ? Ah non. Le doublage ? Ah non. Ah non, non, c'est, non, non, non, c'est une c'est culture extrêmement... Eh, j'ai posé la question pour une bonne raison. Ah oui. Il fait des questions contraires. Ouais, des Arima Senka. Le CU, donc le... Tu connais celle-là ? L'interro négatif. L'interro négatif, ouais, exactement. Tu es très japonais. Et, non, le CU, donc le monde du doublage au Japon, c'est... Il y a des gens qui sont au panthéon du CU. Enfin, c'est quelque chose de pris très, très, très, très au sérieux. Pourquoi ? Parce que... La plupart des œuvres culturelles japonaises qui ont aussi marché dans leur pays, c'est des choses où il faut mettre une voix dessus. Ouais. C'est des animés. Et donc, quand tu arrives à donner vie à un Sangoku, un Luffy, etc., tu es aussi reconnu que le créateur, que le dessinateur, surtout que l'animateur. Que t'es omniprésent, c'est-à-dire que du coup, tu es dans l'animé, tu es dans, dans les jeux vidéo, dans et les puis, produits dérivés. Dans une pub, dans les films. Tu vas être invité à une émission à faire le débile, tu vois. Tu es une star. Vraiment. Tu es une surtout star elle, du coup, j'ai oublié son nom malheureusement, la doubleuse de Sangoku et Sangohan et Sangoten. Elle, elle fait ça depuis au moins Sayako, je sais plus 40 quoi. 40 ans quoi. Ouais. Et oui, c'est, c'est assez incroyable qu'en fait. C'est ah, elle, c'est un vrai métier, c'est elle c'est le perso. Ouais, ouais. En France, il va y avoir moins de médiatisation des. Ah oui, oui. Tu vois, qui peut c'est te c'est dire récent, en fait, Darbois. Mais en vrai, plus que dans d'autres pays. Ouais. En France, il y a quand même des gars qu'on connaît. Voilà, je te dis tout à l'heure, on parlait de Donald Renew, oui. Richard Darbois, Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, de Chandler, enfin oui, de Matthew Perry. Voilà, c'est, la, c'est sa voix, c'est lui. Quoi. Si tu démarres le film en VF c'est... avec Jim Carrey, que c'est pas sa voix habituelle. Daniel Beretta. Et Lucien Jean-François qui fait à peu près tous les acteurs. Oui, le Renoir. Afro-américain. Ouais, mais Murphy, à l'ancienne, c'était Medondo. C'était Morgan Freeman, Medondo. Ouais. La voix du Renoir, mec. Enfin non, pas mec, justement. Non, mais, mec, ouais, celle-là, blanc, mec. Voilà. Lui, c'est Lucien Jean-François. Lui, c'est Lucien Jean-François, mais Medondo, qui a joué c'est dans plus... Première étoile, qui est un putain de film que je vous conseille. C'est une merde. C'est une famille. C'est avec de... Lucien Jean-Baptiste. Ah bah Lucien Jean-Baptiste, pardon. Voilà. Pas Lucien Jean-Baptiste. Ah, je me disais bien que c'était un doubleur, ouais. Celui-là. Lucien parce que sa voix, elle me disait quelque chose. Ouais. Mais qui vient sur un plateau, c'est un no-name. Personne sait qui c'est. Ah bah, quand j'ai fait l'émission de France 2 là, sur le cinéma, et il y avait Michael Youn, j'étais dans le public, et bah, Lucien Jean-Baptiste était là. Ah, et Lucien Jean-Baptiste, il parle. C'est Cousin Skeeter, c'est Eddie Murphy. C'est toute ton enfance, tu vois. C'est le film c'est de Beverly, c'est tout le monde. Ouais, c'est la lui. Poupée. Cousin Skeeter, waouh. C'est un mec, ouais, ouais c'est ouais. Ça. Et il a fait un film sur lui et sa famille, donc des Noirs en France ouais, qui ouais. vont au ski et donc il y a une suite et qui galèrent et tout. Il y a une suite que j'ai jamais vue et donc les gens ont jamais vu de Noirs au ski évidemment. Ouais. Donc c'est tout un tas de péripéties bien de notre cinéma français à nous. Mais même les Renois disent que les skis c'est un truc de blanc. Oui, c'est vrai. Faut que tu saches, je dis c'est un truc de blanc. Okay. Bah, les Jeux Olympiques d'hiver c'est un truc de blanc. C'est un truc de blanc. À part Rasta Rocket. Voilà. Le froid. Enfin bref, on s'est là on est parti du Japon. Bah on en parle de Rasta Rocket quand même. Okay. Ouais, donc c'est une bonne finale. Ça reste ciné. Mais moi, si vous voulez, le Japon, comme tu l'avais dit tout à l'heure, il y a le côté justement, nous, notre perception du cinéma japonais très art et d'essai, justement, avec les Kurokozawa, ouais. etc., les films très de cap et d'épée qui sont très intéressants. Plus anciens, oui. Et en fait, il y a aussi la vision moderne du film japonais, où en fait, les acteurs, c'est surtout des idoles, enfin des gars qui sont beaux, et qui plus qu'ils ne savent jouer. Et en gros, on est dans le surjeu, on est dans le, tu vois, ce genre de choses. Après, je vais être honnête, je ne suis pas un élan consommateur de films japonais modernes, donc c'est peut-être complètement une image. Mais... Pour toutes les raisons que tu as citées, moi non plus. C'est-à-dire que les films, même si c'est Miyake Takashi, les films genre Krause Zero, etc., Shinjuku Swan, ouais. Tout ça, ça reste des mecs avec. Ça reste des Shunoguri qui sont là, des modèles en fait. C'est juste des talentos, c'est des gens qui n'ont pas d'autre talent que d'être beaux. Et donc, ils se retrouvent propulsés, acteurs ou comédiens, dans des dramas. Et j'ai travaillé à la télévision au Japon, pour Fuji Télévision, et je le voyais vraiment, c'est qu'il y a une acting méthode à la japonaise. De laquelle tu ne peux pas sortir. C'est-à-dire que les acteurs comme les actrices japonaises ont 10 rôles différents. T'as le mec à lunettes qui remet tout le temps ses lunettes. T'as la fille un peu kawaii, un peu débile. T'as le gars qui s'énerve tout le temps. En fait, t'as une série de stéréotypes. C'est des stéréotypes issus du manga quand même. Issus du manga, totalement. Issus du manga, desquels tu ne peux pas sortir. Et la seule façon de sortir de ces stéréotypes, c'est de regarder autre chose que les grosses productions japonaises. Et regardez surtout ce qui s'est fait avant. Oui. Regardez les chefs-d'œuvre d'Ozu. Regardez les films de KPDP avec là notre aussi, ami Mifune Toshiro qui peut jouer le tout. Meilleur. Le meilleur, oui. Le padré, le daron, OG. Et Takashi Shimura, des mecs, voilà, des mecs au Panthéon. Ouais, quoi. Bien sûr. Et voir les films de Masayuki Sakai, enfin voir tous ces trucs-là, ouais. ça te montre qu'en fait, les Japonais, avant qu'il y ait eu un formatage du drama et de l'argent, parce que les dramas, c'est ce qui marche, mmh. c'est ce qui fait venir les gens en salle, et donc on les condamne à jouer de manière extrêmement, extrêmement cliché, extrêmement mmh. fermée. Mmh. Et je trouve que même dans des films comme celui qui a eu la Palme d'Or, que je n'ai pas encore vu, mais les films de ce gars-là, de Koleeda Hirokazu, mmh. les acteurs et les actrices sont quand même dedans. Ils sont quand même dans ce cliché. Alors ouais, c'est un peu mieux. C'est peut-être des pressions un peu des productions. C'est peut-être des pressions des studios. Ça va peut-être attirer un peu plus de public, quoi. En effet, mais je trouve que même quand le Japon essaie de faire un film entre guillemets d'art et d'essai, on est encore là-dedans. Mmh. C'est pour ça que je trouve que récemment, il n'y a pas eu de grands films japonais qui m'ont scotché. C'est vrai. Le dernier film japonais qui m'a scotché, c'est un film de 2005 qui s'appelle Kuchu Teien, Le Jardin Suspendu, qui n'est pas sorti en France, mmh. qui doit être peut-être disponible en téléchargement quelque part et que je vous recommande vraiment parce que c'est une actrice japonaise qui s'appelle Koizumi Kyoko, qui est une superstar de la chanson, surnommée Kyon Kyon mmh. au Japon. Mmh. Et qui délivre un vrai rôle où elle sort complètement de tous les clichés, où elle est effrayante et à la fois très touchante. Et c'est pour moi le seul film récent des 10-20 dernières années qui sort de ces gonds-là. Il y a quand même Anne qui était très bien, et la je ne sais plus comment elle s'appelle, la réalisatrice, c'est une réalisatrice. Kawase Naomi. Ouais, Naomi Kawase, qui a ouais. sorti un autre film là récemment que j'ai vu qui s'appelle Hikari, mm-hmm. qui est bien. Attends, faut donner les noms en français parce qu'on fait les kefka. C'était Lumière. Lumière, voilà. Et les délices de Tokyo. Tu l'as vu peut-être. Ah, les délices de Tokyo. Dit que ça te dit ah, si. Il est sur Ciné Club. Oui, il est sorti il y a très peu de temps, ça. Il y a peut-être un an et demi. Oui, deux ans, je dirais. Deux ans. Ouais, très bien, ouais. Deux ans. Et ça, c'est, pour moi, c'est le seul bastion du vrai ciné Jap où je vois des vrais Japonais pas forcément beaux qui jouent. Et. Parce qu'on est venu à ça en fait. Dès qu'on voit un acteur pas très beau japonais, on se dit bah lui il est sûrement très bon. Ouais, parce ouais. que dans tous les autres ouais. films, les acteurs sont aussi des personnalités télévisuelles c'est ça, qu'on problème, va voir. Ils sont toutes les extrêmement remplaçables. C'est-à-dire que ça pourrait être un tel ou un tel. Dans les dramas et tout, oui. Ils sont un peu interchangeables, mais ils sont surtout là parce que le public est habitué à eux à la télévision. Ouais. Et donc ça peut faire des entrées. Moi je me souviens. Enfin moi j'ai remarqué quelque chose. J'écoute le podcast Cozy Corner. Et il y a de ça quelques semaines, il y avait Muguri qui avait recommandé Gaki no Tsukai ouais. Avec le Batsu Game. Ouais. Alors, moi je ne connaissais pas du coup. Enfin si évidemment je connaissais, mais le concept qui était exporté. Et alors, du coup j'ai essayé de checker un petit peu toutes les émissions au fur et à mesure des années. Donc j'ai remonté jusqu'à 2002 et j'ai regardé les années à la suite. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi la tendance où justement ils ramenaient des humoristes ou des gens pour faire des sketchs en face oui. d'eux. Qui même pas que, même des gens, voilà. des civils, quoi, en mode... Voilà. Et des gens qui sont là, qui ont été connus via un drama, droite à gauche, etc. Ouais. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, surtout dans les années récentes, en fait, ils ramènent de plus en plus de gars qui ont juste fait des dramas, enfin, comment dire, qui sont là pour réciter un texte, plus qu'autre chose. Après, je suis pas du tout... Ah oui, j'avais vu un épisode où il y avait Maki Horikita, qui est une actrice un peu lotière, qui a fait un drama qui a très bien marché, qui s'appelle Nobutao Produce, dans les années 2000, 2005 je crois, un truc comme ça. Un très bon drama, enfin un drama qui a vraiment très bien marché au Japon, sur c'était un school life voilà basique ouais. et tout avec du harcèlement etc. Bref, des idées, des trucs. C'est encore très basique même dans les scénarios, c'est toujours très très très oui, balisé hein, les trucs japonais. Et là, il s'avère que elle est passée dans Gaki no Tsukai à un moment où ils sont en bus, je sais pas, c'est parce que c'est toujours scénarisé, c'est très séquencé. Ouais. Ouais, en bus au début. Ils prennent le bus ouais. et ils se rendent à l'endroit voilà. où tu vas aller voir se prendre des claques dans les fesses pendant 5 heures. Voilà. Et en fait, elle est là, elle apparaît, et là tout le monde fait ah, il y a un gros zoom, et en dessous il y a marqué le nom là du dernier film dans lequel elle a joué. Ouais. C'est de la promo. C'est de la promo. C'est ça. C'est comme dans les talk-shows américains où tout d'un coup derrière le rideau. SNL, il y a un mec qui arrive. SNL, voilà. Il y a Matt Damon qui arrive derrière. T'as Matt Damon. Un faux journal télévisé voilà. tout de suite. Matt Damon, tu t'attends à voir un mec qui est déguisé en Matt Damon, ben non, c'est vraiment lui, c'est lui ouais, ouais. ou avec Madonna, avec ce que tu veux ouais. Mais Gaki no Tsukai c'est ça aussi, c'est une troupe de comédiens qui s'appelle les Downtown ouais, qui font Downtown. Ça depuis des années. Comment Downtown et Cocorico et ouais. Les deux ouais. Le dernier et Downtown c'est des comédiens du Kansai, donc de la région d'Osaka, Kobe, Kyoto qui font ça depuis des années et qui ont toujours eu cette espèce d'humour d'autoflagellation. Ce qui fait que c'est un peu quand même toujours la même chose, c'est-à-dire ils font des c'est situations rocambolesques et ceux qui rigolent se font taper. D'ailleurs, l'un des deux, Matsumoto, fait des films. Ouais. Toshi Matsumoto. J'ai vu qu'il avait fait. Ils sont très bien. Et j'en parlais justement parce que j'ai été un peu dur tout à l'heure en disant qu'il n'y avait aucun bon film. Il y a Symbol qui est bien. Tous les films de Matsumoto sont des chefs-d'œuvre. C'est vrai. Matsumoto a fait 4 films. Comment il s'appelait déjà le film où il interprète un sumo gigantesque? Dai Nipponjin. Donc le grand japonais. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il s'appelle Dai Nipponjin en France. Je crois que c'est il Big a pas de Bang, nom, quelque chose comme ça. Il a pas Big Japanese. Big Japan. Big Bang. Ouais, c'est Dai Nipponjin. Big Bang Japan. Et genre, il a fait 4 films. Dai Nipponjin, Symbol. Symbol. Saya Samurai. Ouais. Et... Dernier, alors, c'est quoi en japonais, c'est Aruhyaku, donc R100. Ouais. Alors, celui-là, je l'ai pas vu. R100, je sais pas. Ouais. Mais ce sont vraiment des très très bons films qui captent la société japonaise comme personne. Ouais, ouais. Et qui te la délivrent avec beaucoup, mais alors beaucoup d'humour, mais avec une seconde lecture qui est toujours fascinante. Et Saya Samurai, c'est vraiment un film que je recommande très chaudement. Ouais, vraiment, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, vraiment. Oui, oui, c'est un chef-d'œuvre total. Aussi, un peu long, mais qui est ouf. Il fait des films très longs. Dai Nipponjin, c'est... Alors... par contre, il faut s'accrocher, c'est très, très c'est spécial. C'est très chelou. Hein. Ah, c'est très, surtout très Symbol. Et Saya Samurai a noté que l'acteur, c'est littéralement un SDF. Ouais. Qui a été recruté dans le bar du Golden Guy, le quartier des bars de Tokyo, à Shinjuku, où Matsumoto Hitoshi était un habitué. Et il y avait un SDF qui venait tout le temps, genre gratter un verre de whisky. Et c'est le samouraï là, qui doit faire des vannes. Il lui a dit, mais mec, joue dans mon film. Putain. Et c'est lui qui joue. Donc, Saya Samurai, c'est l'histoire d'un samouraï déchu qui, pour essayer de. Je sais plus très bien. C'est en fait pour pas se faire exécuter. Pour pas se faire exécuter. Mais pourquoi est-ce qu'il doit se faire exécuter, je sais plus. Mais sa mission, c'est de faire rire. Parce qu'il a volé, parce qu'il a un gosse. Il a volé un truc. Et sa mission, c'est de faire rire le fils du daimyo local. Voilà, exactement. Qui ne rit jamais. Qui ne rit jamais, voilà. Et donc, c'est une satire de Matsumoto Hitoshi, qui est ce personnage, qui se prend des claques lui, dans les fait, fesses ouais. pour faire rire. Mais qui derrière a un vrai message, en fait. Et donc, c'est une totale. Et c'est une question lecture. De vie ou de mort. C'est en fait une. De faire rire pour lui. Comment on appelle ça? C'est une dichotomie de sa propre vie, en fait. Exactement. Rire pour la vie ou pour la mort, exactement. Ouais. Et c'est fascinant. Vraiment, c'est. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est sorti hein. en France, ouais, ouais. etc. Il y a un pack, je crois, il me semble. Il y a un pack, exactement, avec ces 3 films. 3 films, ouais. Mais alors, son dernier, je sais pas du tout s'il a été exploité. Alors, il est moins bien, le dernier. Aruhyaku, là ouais. Je l'ai même pas vu, moi. Alors, ça parle de quoi? Je vais vous dire, il a fait 4 courts-métrages en 93, Tozu. En 95, Sundome Kaikyo, je suis désolé, j'ai pas forcément l'accent. Ouais. En 2001, Sasuke. En 2003, Visual Album. Mais il jouait dedans ou... Visual Album, c'est il a, sur il Netflix. Il a joué que dans ces 3 films, c'est-à-dire Big Man Japan. Big Man Japan. C'était le titre que je cherchais. Symbol. Symbol, c'est lui aussi. Il joue le rôle principal. Voilà. Dans les deux. Il a joué dans son dernier film, R100. Voilà, il est dedans. Alors, c'est quoi, raconte quoi, R100 R100, c'est moins de 18 ans ici. Bah vas-y. R100, c'est l'histoire d'un employé, grosso modo, c'est l'histoire d'un employé, un salaryman japonais de base qui a sa vie quotidienne. D'accord. Et qui ne trouve du plaisir à vivre que dans des pratiques SM extrêmes. Ah d'accord. Et ça va partir dans l'univers fantasque c'est Matsumoto de Matsumoto. Non, c'est pas Matsumoto. C'est pas Matsumoto. Non, c'est pas Matsumoto. Je me souviens plus très bien quel rôle joue Matsumoto. Mais c'est un film qui est bien plus... discret en code et en message exprimé que tout ce qu'il a fait avant. Il y a D'accord. un vrai message, il y a une vraie seconde lecture dans tout ce qu'il a fait avant, surtout dans Shimbolu. Ouais, Shimbolu, c'est vraiment rempli. Et c'est un petit peu plus no brain, c'est moins travaillé. Shimbolu, c'est un 2001 de l'Odyssée de l'espace japonais, en fait. Ouais, et puis c'est surtout deux univers dans un seul film qui n'ont rien à voir. Shimbolu, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve réveillé dans une chambre toute blanche. Son seul moyen d'en sortir... c'est d'appuyer sur des pénis d'ange, en fait, collés au mur. Et quand tu appuies sur un pénis d'ange, il y a un objet random qui sort. Un sushi, qui tombe. Une corde, un roller. Et le but, c'est de sortir de la salle par le plafond, qui est à des mètres et des mètres de hauteur. Et parallèlement à ça, c'est l'histoire d'un catcheur mexicain. Oui, il y avait un deux passage histoires au Mexique, entièrement aussi en incroyable, espagnol. Ouais. Ouais, et entièrement en espagnol, au Mexique, très fidèle. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, les deux histoires vont se croiser. Ouais. Tu comprends à la fin que... Tu comprends à la fin que c'est croisé. Mais vous ça... me le vendez, non, je vais faut le voir. Alors c'est une grosse recommandation. Nous, on hallucinait en fait. On hallucinait devant Je l'ai maté avec mon pote Mohamed. Moi, je l'ai vu à la Cinémathèque, ah la ouais première fois en France dévoilée. Oh là là. Et juste après, il y avait Saya Samurai. Ah, ils ont je veux dire que c'était l'extase cinéma comme je l'ai rarement vécu. Mais Symbol, c'est vraiment dur, il faut s'accrocher. On ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne sait pas c'est quoi le but. Mais c'est drôle. Et ça finit d'une manière... voilà. Mais c'est très drôle, c'est hilarant. En fait, si vous avez aimé The Tree of Life... Ouais. Et 2001 Odyssée de l'espace, et que vous aimez bien les comédies à la japonaise un peu farfelues, et bah c'est fait pour vous. Et c'est une comédie plus ouais, Matsumoto vraiment, même ouais, pas japonaise, quoi, parce que j'ai vu des comédies Hitoshi japonaises. Il a vraiment son style. Ouais. Ah, il a son délire. Ouais. Il a vraiment son délire. Il a son style de 40, de cinquantenaire. Ouais, il a une forte personnalité, ce gars-là, quand même. Alors ça, je ne saurais pas dire que Terence, si t'as... Bah, c'est un mec du Kansai, donc c'est un mec qui impose. C'est un mec qui crie, c'est un mec qui rigole, c'est un mec qui vit et qui dit ce qu'il pense. Donc moi, Matsumoto, je le vois comme un peu un héritier de Kitano. Ouais. Dans le sens où il a exactement la même double réputation que Kitano. C'est-à-dire Kitano au Japon, les gens connaissent l'idiot à la télé. Takeshi's Castle, exactement. W9. Ils connaissent pas tous les chefs-d'œuvre que Kitano a fait derrière. En France, on connaît tous les chefs-d'œuvre que Kitano a fait, on connaît pas l'homme de télévision. Matsumoto Hitoshi, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, c'est son digne héritier, et Kitano étant mon réalisateur préféré de tous les temps, forcément, j'adhère. Voilà. Ah ouais. C'est vrai que c'est dans la même lignée un peu, même si, si Kitano il est dans des délires plus... il a fait du polar et tout, il s'est inscrit vraiment dans un délire il a exporté le Yakuza. Il a fait du Yakuza et du film de Yakuza, comme faisait Fukasaku dans les années 80 et tout ça. Mais avec toujours beaucoup, beaucoup de second degré et d'humour, toujours. Et bizarrement, ça, je crois qu'il repasse même en ce moment Hanabi, qui est son chef-d'œuvre. Je crois qu'il y a eu une récompense il n'y a pas longtemps, je ne sais même pas à cause de quoi, je n'ai pas bien suivi, qui est vraiment son chef-d'œuvre, et ce n'est même pas un film sur Yakuza. Hanabi, en plus, c'est un des rares films japonais qui s'intéresse vraiment à l'amour. Ouais, en fait. À l'amour, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau film d'amour que Hanabi, quoi. C'est l'histoire, en gros, Hanabi, c'est un couple, tout ce qu'il y a de plus basique. On apprend que la femme est atteinte du cancer et qu'elle va caner. Et le mari, Kitano, essaie de faire vivre des derniers instants sympas. C'était un, à sa femme. C'est un policier dans. Ouais, c'est un policier, oui. Ouais, c'est souvent un policier. Souvent ou un flic ou un Yakuza, ou un. Comment un... Ou un peintre. Real estate, truc. Tout ce que tu veux. Un mec de l'immobilier, tu sais. Ah bon? Ouais, tu sais, un shark. un broker, truc de l'immobilier, voilà. Mais Takeshi, là, il fait quoi en ce moment? Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Ghost in the Shell, non? Ouais. En tant qu'acteur, oui. En tant que réalisateur, il a sorti Outrage Beyond. Ouais. Le 3. Et Outrage 3. Ah ouais. Ouais. Donc, trois films de la saga. Ça se passe comment, Outrage, sa réception au Japon en ce moment? Il est pas un petit peu occulté? Parce que moi, de mon côté, vraiment, j'ai pas trop de nouvelles de son côté. Non, Kitano, il est toujours là quelque part. Il y a toujours une émission de télé qui a besoin de lui. Il est là depuis super longtemps, lui aussi. Hein, parce que je me souviens, il y avait un jeu de NES sur lui. Ah oui, même avant, il y avait des choses encore. Ouais, c'est incroyable. Enfin, généralement, les personnalités de talent comme ça japonais, ils sont sur pas mal de genres à la fois. Bon, après, lui, c'est un peu fourvoyé. Hein. Lui, c'est unique. Quelqu'un qui a une aussi longue, enfin, une longévité aussi incroyable, avec autant de casquettes, c'est vraiment pas fréquent. Les talents, on les consomme comme on consomme les mangas. On en lit un et puis ensuite on l'oublie et on passe à un autre. Surtout malheureusement pour les femmes, les talentos féminines. Il y en a moins. Il y en a qui font des carrières mais incroyables sur 1-2 ans et puis ensuite plus jamais de la vie t'en entends reparler. Et Kitano, bon, peut-être que être un homme ça joue un avantage, sûrement. Mais il est là en tant qu'acteur depuis Furio dans les années 80, le film avec David Bowie et tout. Son premier rôle en tant qu'acteur. Où il joue le sergent Ichihara, je sais plus quoi. Et en tant que réalisateur, il a commencé à la fin des années 80, il me semble. Son premier film, ça doit être 90, un truc du style. Alors moi, le premier, pour moi, c'est pas Kids Returns. Le premier, c'est Violent Cop. Ah, Violent Cop, ouais. Et ensuite, il a enchaîné vraiment, vraiment très vite. Beaucoup, beaucoup de films. Violent Cop, si je dis pas de grosses bêtises, c'est 90 ou 91. Ouais. Et en tant que réalisateur, donc, il a fait Outrage 3. Et il a surtout fait un film que je trouve monumental, dont je ne connais pas le titre occidental, mais ça se traduirait par Ryuzo et les sept samouraïs déchus, vieux samouraïs. C'est Ryuzo 7, tout court. Ryuzo 7, voilà. Et Ryuzo 7... Attends, c'est un Jidaigeki, ça? Non, alors, Ryuzo 7, c'est l'histoire... Alors, Jidaigeki, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les films d'époque. Films de cap et d'épée. Voilà. Ryuzo 7, c'est l'histoire de sept anciens Yakuza, mais des vieux. Hein. Quand je te dis vieux, c'est maison de retraite. C'est pas juste des mecs de 60 ans, c'est des mecs de 80-90 ans qui se réunissent pour faire un dernier coup. Dans quel contexte, etc., je te dis pas. Et c'est à mourir de rire. Ouais. À mourir de rire. Et c'est en fait une synthèse de tous les films de Yakuza de Kitano et de sa double lecture d'humour réunis et mis au service d'un dernier casse. C'est un peu comme si dans 10 ans, non, dans 30 ans, on avait un Ocean's 11 avec un vieux Brad Pitt, un vieux Clooney, un vieux truc. C'est une réunion de 7 papis qui font un coup de Yakuza, mais avec... Et qui restent Yakuza ou pas? Qui restent Yakuza, ils restent gangsters. Ils traitent et tout, ils tapent et tout. Ouais. ils tapent. D'ailleurs, enfin, ils traitent, quoi. Ils font déjà, ça ils ont à l'échelle de leur âge et de leur arthrite, de leur arthrose, tu vois. Et c'est beau, c'est touchant, c'est hilarant. Et je l'ai en Blu-ray avec sous-titres anglais, si tu veux. Et bien. Tout, ah ouais, ouais, ça m'intéresse. C'est marrant parce que Zach Braff, qui jouait dans Scrubs et qui est aussi réalisateur, Zach Braff, ouais. Il a sorti un film il y a de ça 2 ans, justement, où c'est Michael Keaton, Morgan Freeman et un autre acteur. Oui, oui. C'est Red, c'est pas ça, non? Non, c'est pas Red, c'est un autre. Ouais, Jack Nicholson, peut-être, non? Non, non, non, c'est un autre qui avait joué dans Fargo, mais je me souviens plus de son nom. Et en gros, bah, c'est à peu près le même pitch, en fait, où c'est des vieux justement qui décident de faire un braquage. Dans Fargo, qui est vieux? Qui est vieux dans Fargo? Attends, je vais y a Pastor William Marais, H. Macy, l'acteur principal. Ouais, William H. Macy, il y a qui d'autre? Il y a Pete Stormare, il y a Steve Buscemi. Steve Buscemi, ouais. Mon héros, Steve Buscemi. Mais je pense pas que ce soit. Ouais, ah non, c'est pas Fargo, je me suis trompé. C'est le film le film de Ben Affleck qui a gagné un Oscar. Argo. Autant pour moi. Ça, il manque une lettre. Autant pour moi. Désolé. C'est pas la même chose. Argo. C'est pas la même chose. Je vais vous retrouver. C'est pas grave, je ferai une petite coupure. Coupure, hein, évidemment, pour le montage. Argo, c'est pas John Goodman. C'est, je crois que c'est Alan Arkin, je crois. Je suis pas tout à fait sûr. Je vais vérifier. Ça me dit rien du tout. Brian Cranston. Si, c'est Alan Arkin. Bon, bref. D'accord. Et le film, ça s'appelle Going in Style, je crois. Ils vont mourir, en fait. C'est même pas, ils sont vieux, ils vont mourir. Sans en fait. Doute. Oui, c'est ça. Ils sont en phase terminale d'un truc. Mais bon, là, c'était plus fait à la comédie US. Ouais. C'est un very bad trip avec des vieux, exactement. Quoi. Ouais. Mais mince, j'avais une autre phrase qui me venait. Bon, je vous laisse continuer parce que j'avais. On parlait de comment était perçu Kitano en ce moment au Japon. Et c'est toujours quand même un homme de télévision très présent, omniprésent même, tu vois. Genre, quand je travaillais à Fuji Télévision, il y a eu un moment, l'anniversaire, genre des je sais pas combien d'années de carrière, d'un grand présentateur japonais, dont j'ai oublié le nom évidemment. Sympathie japonais. Et un des trois grands, tu sais, il y a une ligue, en gros le Big Three. Ouais, ouais. T'as Tamura, le mec qui a toujours des lunettes de soleil, Kitano, et le troisième, Akashiya-san. Voilà. Et donc, pour son anniversaire, il y a eu un plateau sur Fuji Télé avec tous les SMAP. Donc les SMAP, c'est le boys band qui s'est séparé il y a 2 ans, qui existe au Japon depuis 20 ans. C'est pas le concept qu'en fait les membres n'arrêtent pas de changer. Alors ça, c'est les AKB 48, c'est les idols, ça, c'est les jeunes filles. Bah, tous les trucs du Hello Project, en fait, ça change tout le temps, mais ça reste les Morning Musume, mais c'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans. Quoi. Et donc Kitano était en gros l'invité d'honneur. Mortellement honorifique, honorissime, j'imagine. Pour parler de Akashiya-san. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est vu comme le vétéran, comme le mec, et qui. Ils en peuvent autant plus de lui que dans le jeu vidéo Kojima et. Ou qu'en France Johnny Hallyday. Ouais. Ah bah, ouais, d'ailleurs, je crois qu'il était dans l'un des derniers Yakuza. Oui, dans le 6. Ouais, dans le 6. Il est modélisé dans le 6. Ce qu'il a refusé pendant des années. Ouais. Et Sega l'a approché évidemment des. Parce que tous les mans des films de Yakuza. Sont passés dans Ryuga Gotoku, dans Yakuza, quoi, dans le jeu Yakuza. Notre amour commun de Terajima Susumu. J'ai fait Ryuga Gotoku Kiwami 2, ouais. Yakuza Kiwami 2 récemment, et il est dedans, il joue l'inspecteur et tout. Il est dans Kenzan aussi. Mais il est. Où il joue, qui joue dans Kenzan. Il joue Miyamoto Musashi. Non, Miyamoto Musashi, c'est le héros. Ah, c'est d'accord. Kiryu. Il joue Hattori Hanzo. Oh. Les private jokes. Non, c'est pas une private joke, mais Hattori Hanzo, c'est un personnage en couleur de. Très populaire. Très populaire parce que c'est un ninja un peu légendaire. Le guerrier un peu stylé. Voilà. L'espion de Tokugawa Ieyasu à la solde. Les mecs dans Tenchu. Voilà, les mecs dans Tenchu. De l'époque Sengoku. Et en fait, c'est un personnage très apprécié. Du coup, je pense qu'au Japon, en général, dès qu'il. Ils te mettent un personnage historique parce qu'ils sont très, ils connaissent très bien leur histoire et ils sont très à fond sur les personnages connus du Japon. Ouais. Ils connaissent les noms et la réputation. Ouais, voilà, ils connaissent les noms et la réputation, pas vraiment l'histoire. C'est vrai que c'est nuancé là-dessus aussi. Et ils te mettent évidemment toujours des bons gars pour jouer tel gars, quoi. C'est toujours dès qu'un truc, un Jidaigeki, un truc d'époque sort au Japon, c'est qui va jouer un tel. Toujours, qui va jouer. Si bien qu'ils les ont tellement remixés que là, j'ai vu qu'il y avait un animé qui était sorti au Japon où il y a Oda Nobunaga, donc qui est un des grands daimyo de l'histoire du Japon, un des grands seigneurs de guerre. Il est joué par une meuf. C'est une Oda Nobunaga meuf. Sympa, ça. C'est marrant. Tu vois, il change tout et n'importe quoi. Donc, tu peux très bien avoir le Oda Nobunaga Sangoku, le Oda Nobunaga meuf et le Oda Nobunaga plutôt fidèle historiquement. Oui, d'ailleurs, ils ont fait ça. En plus, je crois récemment, ils avaient fait un épisode spécial Dragon Ball Super où justement c'était les personnages de Dragon Ball Super qui interprétaient des grandes figures historiques. Ah ouais, bah tu vois, j'ai même pas. Enfin, je savais même pas. C'est autre un épisode spécial Noël comme ils font. Ouais, ils font souvent ça. Comme Dragon Ball Pompier là. Ouais, Dragon Ball Pompier, ouais, exact. Ça existe vraiment. Ouais, ouais. C'est un truc de sensibilisation. Sensibilisation pompier. Ouais, ouais, je me souviens. Celui des tremblements de terre aussi, il y avait un One Piece tremblement de terre, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y avait plein de trucs qui sortent pas du Japon et qui. Là-bas, tu vois les collabs, tu flippes, quoi. C'est fou comme c'est un pays de niche, mais il a un développement culturel et médiatique. Il a un rayonnement hors pair. Mais le soft power, il est énorme. Exactement. Je pourrais. Dernière question sur Takeshi Kitano, et après on va jumper sur quelque chose d'un peu plus intimiste, hein, si vous voulez. Okay. Sur ton passé, si tu veux. Je voulais savoir, vu le. les grands yeux. Le passé. Le sombre. Passé trouble. Sombre. Brosson. Vous allez être déçu. Takeshi Kitano, il a une réputation d'un gars qui a fait beaucoup de choses, beaucoup de travail autour des Yakuza. Il a jamais eu de problème avec eux? Non. Non, quand il était jeune. Il a grandi dans le quartier d'Asakusa, dans les bas-fonds d'Asakusa, qui à l'époque était un quartier de beaucoup de. Un quartier rouge un peu, quartier des plaisirs, dans lequel les Yakuza avaient des salles de jeu, des établissements, ce qu'on appelle des fuzoku, donc à tendance sexuelle, où des services sexuels sont fournis. Et il a grandi avec cette culture-là, avec des gens qui appartenaient à ce milieu-là. Sans lui jamais être complètement Yakuza. Donc, il n'a jamais eu de problème, parce que les Yakuza, il faut savoir qu'ils n'attaquent que les autres Yakuza. Mmh. Ils font du mal qu'aux autres Yakuza. Ou alors, ils essaient d'arnaquer les vieux au téléphone. Mais tu ne te feras jamais accoster, agresser, ou même regarder par un Yakuza dans la rue. Ils n'ont intérêt que par l'expansion de leur territoire et la réputation de leur bande. De leur Après, ils font pression quand même sur des... Sur les petits commerces pas des petits commerces, justement, sur des gros commerces, justement. D'accord. Il y a un fameux épisode du Yamaguchi Gumi qui avait mis... parce qu'ils cherchent aussi un peu, parce que avoir des liens avec les Yakuza, ça peut te faciliter certaines choses. Bien sûr. Même l'épisode avec des politiciens, etc. L'épisode de Kodak en 95, je me souviens du patron de Kodak qui était retrouvé tué au katana. Ah merde, ok. Et ouais, pas mal de... La plupart des meurtres au Japon, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des meurtres au Japon, c'est... Enfin, des gens, des morts, quoi. Des homicides, exactement. Homicides, tout ça, c'est un ou mec... Ou les gros psychopathes qui vont, les gros, comme récemment, dans des maisons de retraite, dans les maisons pour handicapés mentaux, massacrer des gens parce qu'ils sont tarés. Ouais, ils sont tarés. Il y a eu aussi un Koban qui a été attaqué, là, je crois, par un mec avec un couteau. Voilà, il y a aussi un gars qui a roulé dans la foule à Akihabara et foutu des coups de couteau. À part ça, les homicides, comme tu disais très bien, Sofiane, c'est les Yakuza. C'est Yakuza. Et il n'y en a pas énormément, en vrai. Et c'est camouflé, en mode, on a retrouvé un mec avec deux balles dans la tête, il s'est suicidé. Ouais. Il déclare au suicide, alors que voilà, c'est... À mon avis, si tu cherches un peu dans la Sumidagawa, donc la rivière de Tokyo, il doit y avoir des trucs, dans la baie, etc. C'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de règlements de compte, même si récemment, j'avais entendu parler que... il y allait, la police avait peur que des règlements de compte commencent à éclater, etc., pour je ne sais plus quelle raison. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, Kitano, non, n'a aucun problème avec les Yakuza. Même les Yakuza n'ont aucun problème avec la série de jeux Yakuza, par exemple. Alors, la manière dont les dépeint et tout. Les développeurs n'ont pas de problème avec les Yakuza, tu vois. Il y a même une presse pour les Yakuza. C'est pas vraiment tabou, en vrai. Les gens peuvent en parler et communiquer. C'est quand même un peu tabou. Il faut savoir qu'au Japon, on dit pas Yakuza. On dit un groupe violent. Ouais. On dénomme les Yakuza comme, en japonais, un groupe violent, littéralement. Donc, il y a un gros tabou qui passe aussi par le tatouage. Parce que qui dit tatoué dit Yakuza. Oui, je crois savoir. Malheureusement. Par le milieu social aussi, des Yakuza qui sont souvent issus des Hinin. Des mecs en fait un peu relégués en bas de l'échelle sociale, les marginaux, voilà, c'est toujours des gens un peu issus de professions, de familles, professions un peu pauvres, ou même voire encore pire, de professions qui touchent à la mort, voilà, on appelle les burakumin, c'est genre les tanneurs de cuir, les trucs comme ça, et ça va créer des sous-couches de la population japonaise qui sont marginalisées, alors qu'au Japon, quand tu vois le pays, tout est rose, tout va bien, tout le monde est ensemble. Mais il y a quand même de la pauvreté, il y a quand même des gens qui sont marginalisés et qui parfois deviennent Yakuza, mais c'est pas pour autant qu'ils ont 50 flingues. Comment il s'appelle ce quartier, le quartier le plus chaud d'Osaka Je sais plus. C'est pas Namba, non ? Non, c'est pas Namba, non. C'est un quartier très très ghetto et j'ai jeté un coup d'œil et non, c'est pas... c'est pas les 3 les 4000 quoi. Ouais. Mais ça reste ghetto pour le Japon quoi. C'est pas les on va dire que c'est des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est des pauvres en fait tout simplement. C'est pas forcément violent ou dangereux. Bah, c'est peu au Japon, les pauvres, le Japon les pauvres. Cachés pauvres. Enfin, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, oui, il y a quand même il y a des yakuza. Si vous allez dans le quartier de Gion à Kyoto, il y en a pas mal, ça se voit. Moi, dans le quartier où j'habitais à Tokyo, à Otsuka, il y avait pas mal de yakuza. Le soir, je les voyais et tout. Il y en a même un qui m'a tapé les discutes au Fujisoba avec sa Mercedes qu'il attendait dehors et tout. C'était marrant. Gion, c'est l'un des plus vieux quartiers de Tokyo. Hein. C'est à Kyoto, Gion. C'est le quartier des geisha. Ouais, Kyoto, et ouais. Moi, c'est le plus vieux quartier de Tokyo. C'est vraiment Kyoto. L'endroit où tu vas et ça m'est arrivé de voir. Ouais, genre Lyuga Gotoku, genre la série Yakuza, les jeux vidéo, des mecs qui attendent comme as bras croisés. Costard, un peu. Costard, un limite une oreillette, et puis voilà, c'est grillé. Il y avait peut-être un Oyabun, il y avait peut-être un parrain dans le coin qui la sortait Gova, d'un bar de geisha pour sortir, je sais pas. La caisse. C'est un cliché, l'accent de langage qu'ils ont quand ils parlent aux gens dans la rue en roulant les airs. J'ai pas entendu ça. C'est un cliché, l'accent qu'ils utilisent quand ils parlent de manière très. Ou ce genre de choses. Non, ils parlent comme ça. En fait, il n'y a pas. Ce correct comme ça, c'est juste la façon de parler vulgaire. C'est pas que les yakuza. C'est un supérieur qui est pas content de toi, il va te parler comme ça aussi. D'accord. Un mec bourré dans la rue qui va engueuler son collègue ou un gars parce qu'il est bourré, il va parler comme ça. Oh, t'es merde, maintenant tu allais C'est juste le mec vénère en fait. Ok. Ouais, le niveau de langue en fait qui descend. En japonais, il y a beaucoup de niveaux de langue et il y a un niveau de langue vraiment très bas où tu dis. Ou quand tu parles, tu insultes la personne déjà. Juste en lui disant va me chercher ça, bah, tu l'as insulté. Omae, tout ça, toutes des trucs. Alors que Omae, qui veut dire toi devant. Dors-toi, avant toi c'était ce que tu disais au Seigneur. Ouais. Omae, ouais. Ça a été. Maintenant, décanté. Maintenant c'est ça. T'es une grosse dope, quoi. Ouais, exactement. C'est fou. Alors là, on a passé l'heure d'enregistrement. On a encore beaucoup de temps, les gars, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est tellement long. Non, au contraire. Et en fait, je kiffe parce qu'on a commencé avec un épisode hors série pilote. Ah, c'est Japon, là, 100%. Et on a viré. Sur les enfants de 10 ans, on a bien des histoires qui sont mal écrits. Non, mais on a viré totalement sur le Japon. Et c'est très cool parce que ça nous fait un petit guide de voyage pour ceux qui comptent y aller. Du coup, comme vous deux, vous êtes déjà partis au Japon, c'est un truc que vous gardez un petit peu proche de vous depuis pas mal d'années. Je sais que toi, tu as été dans une école spéciale pour l'apprendre. Toi, c'est quoi ton passif, ton histoire? Est-ce que tu es prêt à délivrer un peu tout ce qu'il y a dans ton coco? Oui, je vais pas raconter toute ma vie. Ça va beaucoup ennuyer les auditeurs. Mais juste, tu as dit que tu travaillais à Fuji TV. En un mot commençant, j'ai, comme beaucoup d'adolescents de ma génération, adoré le Japon à travers tout un tas de prismes. Les mangas, les jeux vidéo, les trucs. Et très vite, en fait, ce délire pop culture s'est effacé au profit du vrai pays. Genre, je m'intéressais à la société, à l'histoire et à la langue. Et ce qui fait que de fil en aiguille, j'ai joint après mon bac l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et j'ai fait une licence de japonais. Et une fois diplômé, je ne savais pas quoi faire, je suis parti vivre au Japon, avec dans l'objectif de marier en fait, deux de mes passions, c'est-à-dire le Japon et le japonais, avec le cinéma. Et je voulais travailler dans le cinéma à Tokyo ou ailleurs dans le Japon. Pour travailler dans le cinéma à Tokyo, donc ça c'était, je suis parti en 2013, fin 2013. Pour travailler dans le cinéma à Tokyo, tous les gens, les experts, les contacts que j'ai rencontrés m'ont dit « Il faut que tu commences par la télé, il faut que tu sois assistant, il faut que tu commences en bas, tu peux pas brûler les étapes, etc. » Certes, j'avais 22 ans, j'étais motivé, j'étais en forme et tout. C'est parti, j'entre à Fuji Télévision et j'ai travaillé donc pendant 2 ans, presque et demi, pour, dans un premier temps, une émission de télévision axée sur les news internationales. Donc, parlant français, anglais, japonais, mon rôle, c'était, en gros, d'être une sorte de pont entre ce qui se passait à l'étranger et ce qui se passait, et ma rédaction, en fait, et mon staff. Donc, je traduisais beaucoup d'articles et des vidéos. Je faisais des interviews avec des gens qui faisaient l'actualité. Bon, pas l'interview genre de François Hollande, mais l'interview, par exemple, à l'époque, c'était Ebola, donc d'une médecin de Médecins Sans Frontières. Ou alors, on prenait une vidéo virale qui marchait sur YouTube et j'interviewais la personne dans la vidéo virale. Donc, j'étais au sein d'une rédaction, là où j'ai découvert le travail à la japonaise, c'est-à-dire c'est très dur, il faut respecter la hiérarchie, il ne faut pas rentrer chez toi avant que les supérieurs ne soient pas tous rentrés chez soi, ce qui m'a valu beaucoup d'ennuis. Tu es mal payé, tu travailles beaucoup, tu dors quasiment pas, tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de vacances. Et donc, j'ai vu le extrême mauvais côté du Japon. C'est comme ça. Donc le rêve d'ado de vivre au Japon et de travailler dans le cinéma, il était un peu loin, tu vois. Et j'ai persévéré en me disant peut-être que, effectivement, Fuji Télé a une grosse division cinéma. Peut-être que je vais la voir un jour, cette division cinéma. Et en fait, on m'a toujours fait comprendre que non. On m'a affirmé miroité que peut-être au début. Ah et oui. En fait, on m'a fait comprendre que non. Mmh. Quand j'ai vu que j'avais aucun, entre guillemets, avenir dans cette chaîne, je suis parti. Et j'ai trouvé un autre emploi dans une société de production vidéo beaucoup plus petite, une PME de 16-17 personnes à Tokyo, dans le quartier d'Omotesando, qui est le marais, en gros, le marais de Tokyo, mmh. boutique de fringues, etc. À côté de Harajuku. À côté de Harajuku, exactement. Et cette société, qui s'appelle Assemblage, j'y ai travaillé pendant un an et demi en tant que chargé de projet. Et là, j'ai pu un peu plus, légèrement plus, toucher au monde de l'audiovisuel purement créatif. Mais c'était quand même beaucoup pour des clients qui nous commandaient, par exemple, des publicités web ou des vidéos promotionnelles ou des vidéos internes, genre, tu vois, le message annuel des actionnaires, des trucs. Mmh. Mais j'ai pu un tout petit peu, quand même, enfin, toucher du bout des doigts le monde du cinéma et du documentaire, puisque j'ai un tout petit peu travaillé avec un réalisateur français sur place, qui est devenu un très bon ami, qui s'appelle Christophe Sagna, et qui a réalisé plusieurs films, dont deux au Japon, dont un long métrage qui s'appelle, à chaque fois je confonds les deux, qui s'appelle, je crois, un court métrage qui s'appelle Shadow of Man. Très simple, 5-6 minutes, excellent. Et un long métrage qui s'appelle Savage Night avec Susumu Terajima. Non, c'est pas vrai. Alors, ça a été tourné bien avant que moi j'entre dans la société. J'imagine. Le tournage était terminé. Mais j'ai assisté un petit peu au montage et un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, à la distribution. J'ai vu du Susumu. T'as vu du Susumu en... Du Susumu en dérocher. Voilà, c'est ça, du en dérocher. En pur, voilà. Du raw Susumu. À la bonne sauce, du raw Susumu. Du Nama Susumu. Ah, mais bien. Et Susumu qui commence à vieillir, j'imagine, là. Qui commence à vieillir, mais qui... Toujours la pecou et tout, la coupe en arrière. Ah ouais, toujours les cheveux gominés en arrière. Ouais, la gomina. Donc, pour nos auditeurs, Susumu Terajima, c'est un fidèle lieutenant de Takeshi Kitano qui joue le rôle du Yakuza sale dans tous les films de Kitano. Notamment le plus connu, Aniki, mon frère. Aniki, mon frère... Jugatsu, enfin tout ça. Ouais, il joue dans plein de trucs. Et dans d'autres films aussi la même veine, pas forcément que chez Kitano. Et qu'on voit, qui est un acteur qu'on voit encore beaucoup à la télé, dans les séries télé, dans les dramas, etc. Et dans Yuga Gotoku, il est aussi numérisé, et on le voit donc souvent. Et donc, Shadow of Man, Savage Night, qui est le film, le long métrage de Christophe Sagna, qui, c'est vraiment pas pour faire de la pub ou quoi, qui est vraiment un très très très bon film. Ouais. Je ne sais pas s'il est accessible par je ne sais quelle plateforme de VOD ou quoi. Eh bien, je vais regarder ça. Ouais, ce serait chouette parce que je crois qu'il n'est pas encore bien distribué en France. C'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui est une call girl, en fait. D'accord. Et son boss, son Yabun, c'est Susumu Terajima. Et elle hérite. Elle se retrouve confrontée à elle-même lors d'un événement... assez tragique, que je vous spoil pas, et elle va devoir s'occuper d'un enfant. D'accord. Alors que elle, c'est une call girl, elle a pas la place pour des enfants dans sa vie. Et donc va se jouer toute une course poursuite, etc. Au Japon, tout ça ? Au Japon. Ça, c'est assez ça a été cool, tourné quand à même, Tokyo, en partie dans les bureaux où je travaillais. Et, ouais. Et donc, il me semble que c'est un moyen métrage, pardon, pas un long métrage. D'accord. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Filmé avec une justesse et avec un fourmillement d'idées constant d'un Français qui ne parle pas japonais et qui vit à Tokyo. Et je le recommande très chaudement. Et avoir pu travailler un peu avec ça et Shadow of Man, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai aussi un petit peu travaillé dans le documentaire avec Branching Paths, dont j'ai été chargé en gros après la post-production, donc un peu de distribution, un peu de traitement, réalisation des sous-titres, etc. Qui est un documentaire sur le jeu vidéo indépendant japonais. Mmh. Ah. Au Japon, il y a comment on appelle ça déjà tu sais, les jeux indés faits par juste un mec dans sa cave. Comment ça s'appelle ? Comme les Toho Project, voilà, ce truc-là ? Voilà, exactement. Les Toho Project, les choses comme ça. Ça s'appelle des Dojin. Dojin Game. Donc, Dojin Game. Des Dojin. Donc, il y a le Dojin qui est vraiment la personne qui fait ça tout seul chez elle. Et il y a le vrai jeu indé, on va dire. La différence est assez subtile. Mais Branching Paths revient sur ça. Et là, j'ai pu... Encore une fois, je suis arrivé après la tempête, après le tournage et tout, mais j'ai pu un peu plus m'occuper de ça. Et encore une fois, c'est un documentaire que je recommande, qui est vraiment intéressant. Et voilà, je suis revenu en France en décembre, Après une expérience au Japon qui aura quand même été un peu douloureuse par le fait que je me suis pris la société japonaise et tous ses mauvais côtés en pleine tête alors que je pensais que je serais un petit peu épargné. Mais c'était dû justement à comment elle est construite, comment elle est faite. Oui, comment elle est construite, surtout... De par le fait que tu sois justement un expat français. Je pense que le fait que je sois étranger, ce qui a joué, c'est que j'ai en fait juste pas été conditionné à être amené à devoir vivre dans une société aussi, je suis désolé, mais aussi triste, quoi. C'est-à-dire que le travail, c'est la vie. T'as pas vraiment... Les Japonais fonctionnent par cercle, en fait. En dehors du cercle du lycée, en dehors du cercle du travail, ils ont pas de vie, en fait. Ils ont tellement pas de vie que certains ne voient pas l'intérêt de rentrer chez eux. Oui, bien sûr. Et ils vivent à la société. Il y a un Uniqlo à côté. Dans ma société, il y avait des bains, tu vois, des onsen et des douches. Donc tu pouvais aller te doucher. Il y avait des restaurants, il y avait des combini. Tu pouvais vivre dans ma société. Il y a des dortoirs. Tu peux dormir. Sachant que Fuji TV est à Odaiba. Fuji TV, c'est un gigantesque bâtiment à Odaiba. Deux énormes buildings. Il y a le Oedo Onsen à côté. Il y a le Costco, Odaiba Kaihin Koen. Exactement. Si vous allez à Tokyo, vous allez le griller tout de suite. C'est un bâtiment avec une énorme boule au milieu. C'est l'architecte qui s'est tapé un gros délire. Il a mis une grosse boule au milieu. Et en fait, cette espèce de déshumanisation des gens qui travaillent au Japon, ça m'a frappé de plein fouet et ça m'a fait mal parce que moi, c'était pas vraiment... Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais pas à ce point-là, en fait. Ça a commencé un peu à me dégoûter de la société, du pays et de comment les gens fonctionnaient et comment les gens, surtout, ne se rebellent pas, ne se disent pas qu'il y a un problème d'exploitation, voire même d'esclavage, dans certains cas, qui mène à des suicides, dans les cas les plus extrêmes. Oui. Et donc, voilà, boulot a un peu changé ça, mais... T'as eu la même désillusion, toi, quand t'es parti au Japon? Franchement, moi, je savais déjà qu'il y avait tout ça, ces trucs-là. Déjà, tu sais, je vais te dire, quand j'étais au lycée, on a reçu des Japonais dans le cadre... Parce que j'ai fait japonais au lycée, comme Terence, qui a fait du japonais au lycée. Oui, tu faisais LV2 au lycée. Voilà, moi, c'était LV3, en l'occurrence, c'est pas pareil. Étant donné que t'as passé un écrit, moi, j'ai passé un oral. C'était ça, d'ailleurs. C'était chaud. Mais c'était très bien. Et on a eu la chance de regrouper, parce que j'étais à Compiègne, moi, au lycée. Et au lycée de Compiègne, enfin, la ville de Compiègne était jumelée avec une ville japonaise qui s'appelle Shirakawa. Ça tombe bien. Et un village, en fait. Attends, Shirakawa-go ? Shirakawa-go, oui, exactement. Sérieux ? Mais c'est le paradis, Shirakawa-go. Ouais, c'est le paradis. T'es déjà allé ? Non, jamais, non. Mais c'est le paradis, apparemment. Ouais. C'est magnifique. Les gens sont super gentils. Alors, c'est un village un peu traditionnel. C'est un village traditionnel avec des maisons, ce qu'on appelle les gacho-zukuri. Ouais. C'est-à-dire, gacho, c'est prier, en fait. Et donc, c'est des maisons en chaume, en paille, en triangle, comme quand tu joins tes mains pour prier. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ah, c'est des maisons époque Yamato, tout ça. Voilà, un peu, c'est vraiment, mais époque vieux Japon. C'est préhistoire japonaise, ça, non ? C'est même pas les maisons en mode temple, tuiles et tout, c'est avant ça encore. C'est un mode de vie extrêmement traditionnel, voire anthropologiquement, c'est intéressant d'étudier ça. Et en fait, c'est niché au creux d'une vallée. C'est allé à Shirakawa-go ? Mais tu vois, quand je suis allé à Shirakawa-go, par exemple, moi, j'ai pas vu de lycée, de bâtiment administratif. Il y a un collège planqué dans la montagne que j'ai vu vite fait. Mais c'est une ville qui, aujourd'hui, est un peu une fenêtre un peu touristique. Il y a des gens qui vivent toujours dans ces maisons. Mais ces maisons sont transformées en resto, en hôtel, etc. Et tu peux y aller une journée depuis la ville, par exemple. Je sais plus c'est dans quelle préfecture, Shirakawa-go. C'est Hyogo. Non, c'est pas Hyogo, pardon. Gifu, c'est Gifu. C'est Gifu, il y a pas mal de villages comme ça, Gifu. Oui, il y a Shirakawa-go, Sonobe. Et il y a Tachikawa. Je sais plus. Mais j'y suis allé avec mes parents, c'était formidable. Il y a Nantan, je crois, un truc comme ça. Nantanshi. Ouais. Bref, il y a pas mal de villages un peu. Ça ressemble un peu. Bah, alors, c'est comparable à la France. Dans l'Aisne, c'est le cas. Dans l'est de l'Aisne, Château-Thierry est au nord. Il y a beaucoup de villages comme ça, ils appellent ça des villages gaulois, mais voilà, c'est des trucs un peu... Ou alors que c'est comparable aussi aux maisons qu'il y a que tu peux voir à Honfleur et tout, tu sais, avec les charpentes apparentes et tout, je sais pas si tu vois là un peu. Ouais. Tu vois un peu le délire, Ismaël ? Je sais pas si ça remonte non, c'est suffisamment pas, non. loin dans ah, non. le passé pour être égal, non, on va dire, non. à la culture de vie à l'époque, mais... Non, c'est pas du tout. Non, le Japon, c'est là ce village. Bref, c'est village. Que ça va plus loin que le cliché des pagodes. Ah ouais. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment le Japon. C'est le Japon Mononoke. Il y a un village perdu un peu en Vendée que j'avais visité quand j'étais plus jeune, mais c'était plus un musée. C'est Notre-Dame-des-Landes, non ? c'est la ZAD en fait. Avec les palettes. C'est les massifs de la ZAD. Et du coup, le lycée, enfin le collège était jumelé au. Enfin, la ville de Shirakawa-go est jumelée à Compiègne. Qui est une ville très, très, très attachée à son passé historique de ville impériale, Compiègne, chez la Kawago, c'était totalement dans le délire. Et il y a une énorme association franco-japonaise à Compiègne, dont faisait partie le professeur de japonais du lycée dans lequel j'étais, Madame Roy, si elle nous écoute. Je ne pense pas, mais bon. Et j'avais reçu un japonais, tout ça, nanana, un week-end et tout, c'était lourd, voilà. Non, franchement, c'était bien. Machiko, hein, je pense que maintenant, il est... voilà, il est... je ne sais pas ce qu'il doit faire. Il s'appelle Machiko ? Machiko, Machiko. Ah, Machiko. Machiko. Okay. Machiko, c'est femme. Hein. Ouais, Machiko, c'est femme, bien sûr. Ouais. Non, il s'appelle Machiko. Ok. Pas Machi. Machi, Machiko. Machiko. Et très bon Jap, gentil au demeurant. Et lui, bah, il était très introverti, tout ça. Et ils avaient un professeur référent qui était avec eux. Et je lui avais demandé, Jiko Shokai Negashima, ça veut dire, après, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Et il s'est présenté, alors moi, je suis professeur de ta-ta-ta-ta dans le collège Shirakawa et tout et tout. Et je lui ai demandé s'il y avait Ijime Arimasuka, à l'époque, alors que j'étais, voilà, parce que j'en voyais dans mon lycée. Et le Ijime, en fait, c'est l'harcèlement de scolaire. C'est le bullying, en fait, bullying, aux États-Unis. Voilà, bullying, voilà, harcèlement scolaire en GTO. France. Ouais. Ouais, c'est du, voilà, c'est ça. Et il y en a dit... un dans chaque classe et tout le monde s'acharne sur lui, ouais, ou elle. Voilà, et il m'a dit, bah ouais, tout, il y en a, c'est chaud et tout. Il a demandé s'il y en avait chez nous et je lui ai dit oui. Il était surpris qu'il y en ait chez nous, alors qu'en vrai, c'est plus surprenant, ouais, qu'il y en ait chez nous, que... c'est moins surprenant qu'il y en ait chez nous que chez eux, quoi. Et en fait, chez eux, c'est omniprésent, quoi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, le Japon, c'est chaud, quoi. Et puis quand j'ai vu les jeunes japonais de mon âge, enfin, alors pas vraiment moi, je dis que c'était des collégiens, mais j'ai vu qu'ils étaient différents de nous quand même. Ils avaient déjà une espèce de pression, ils bossaient beaucoup. Je sais que le gars qui était venu chez moi, il était, il était premier de sa classe, quoi. Il était, et lui, il se faisait tuer, quoi. Tous les soirs, il bossait, ses parents le poussaient à ça. Et vraiment, la pression de la société, tu la ressens dès le collège. Du coup, j'étais déjà sensibilisé à ça et je savais que c'était chaud. Puis après, quand tu regardes des films, les bons dramas, il y en a qui parlent de ça. C'est rare, mais il y en a qui parlent de ça. Et quand tu regardes aussi... certains mangas comme, voilà, t'as cité GTO, hein, le Nezuka, tout ça, et d'autres mangas où tu vois qu'en fait leur vie c'est le lycée, c'est comme je disais, school life. Il y a un genre de dans la pop culture japonaise qui s'appelle school life, c'est-à-dire vie au lycée, à l'école. Et tu vois les mecs qui sont dans les clubs parce que, voilà, le Japon, c'est, en fait, t'es encadré tout le temps. Au Japon, t'es jamais vraiment libre, ouais, c'est-à-dire, tu vois, t'es tout le temps... On t'encourage très peu à être freelance, voilà, à faire les choses pour ton compte. Faut toujours être encadré. C'est pas vraiment une société individuelle, c'est plus une société où t'es dans un... C'est une société de groupe, mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils sont seuls ? Oui, alors il y a des bons côtés, alors il y a des bons côtés à ça. Ils sont seuls en groupe. Ouais, voilà, seuls en groupe. Il y a des bons côtés à ça et des mauvais côtés à ça. Le bon côté, par exemple, c'est qu'au Japon, t'auras pas du mal à trouver du travail très tôt dans ta jeunesse, c'est-à-dire qu'ils vont préférer prendre un jeune employé pour le garder, on va dire, 40 ans et vraiment le luser à la tâche, quoi. Pendant 40 ans, je sais pas si t'es d'accord, hein, oui, et puis ce qui est un des très bons aspects aussi de l'embauche au Japon, c'est que, comme tu dis, elle se fait en général quand t'es à l'école. Voilà, ouais. C'est-à-dire, tu sais, t'es en deuxième année sur 3 à la fac, et à la fin de la deuxième année, t'as une promesse d'embauche, c'est bon, si tu as ton concours avec telle note. Bien sûr. Et ce qui est cool, ça c'est vraiment un des points que j'ai beaucoup aimé au Japon, c'est que moi, par exemple, à la télévision, on va en France, t'as fait un bac audiovisuel, t'as fait un BTS. Ouais, ça. Voilà. On va s'attendre à ce que tu fasses un métier qui suive ta spécialité. Au Japon, ils s'en fichent complètement. C'est juste, il faut que t'aies un degree, il faut que t'aies Sotsugyo, il faut que t'aies réussi l'université. J'avais des collègues avec moi, il y en a un, il sortait de psycho, et l'autre, il sortait d'espagnol. Ouais. Tu vois. Ils n'ont rien à voir avec la télé, des années-lumière. Bah, aux États-Unis, c'est à peu près similaire, le graduate day, comme tout tu ça. Dis, on te prend, on te forme, voilà. Et là, mon gars, t'en bave. Ouais, là, par contre, tu vas cravacher. T'as un CDI. C'est stable. C'est comme ça depuis 50 ans, hein, au Japon. Hein. C'est comme depuis l'après-guerre. C'est comme ça que t'expliques que des mecs Miyamoto soient Nintendo depuis tout ce temps. Exactement. Voilà, le gars est rentré à 21 ans. Et il a commencé en bas et maintenant il a grimpé. Mais il faisait du debug et puis maintenant, tu vois. Ouais, voilà, il s'est fait ouvrir, quoi. Il s'est fait ouvrir en 1000 et là maintenant, voilà. Ou Kojima, par exemple, aussi. Oui et non, je pense, Kojima. Oui et non, parce que Kojima il est tellement chelou. Il est tellement pas japonais que, ouais, il est, ouais, je sais pas. Franchement, Konami, se barrer et tout ça. C'est vrai que c'est pas fréquent. Ouais, mais Kojima, il a commencé tôt. Tu sais, il était sur MSX quand il faisait MSX. Les Snatchers, les trucs comme ça. Il a quand même commencé il y a longtemps. Il est pas très vieux, Kojima. Non, il a une cinquantaine d'années. Hein, quand même, Kojima. Cinquantaine d'années. Je mettrais moins de 50, mais. Moi, je dirais qu'il a 53 ou 52. Il fait vachement moins que ce qu'il a. Je sais qu'il a 52. Je sais que Miyamoto, il est né en 52. Donc, il a 66. Ah. Et... plus jeune que mon dame. Voilà, donc voilà, il a l'âge de ma maman. Et c'est pour ça. Et, c'est un signe. C'est un signe. Il a 55 c'est peut-être ans. Lui, en fait, ma maman. Chelou. Pas trop long. Kojima, il a 55 ans. Ouais, ouais, je savais qu'il avait. Il a rencontré sa femme, hein, comme pas mal de Japonais qui rencontrent leur meuf au boulot, leur femme. Et... ou dans les cercles. Ouais, dans les cercles, c'est toujours ça. Aujourd'hui, au Japon, il y a des. Des rendez-vous arrangés, tu sais. Des gokon. Ouais, gokon. À 2-2, voilà, pour le kekkon ensuite après, s'il y a moyen. Et pour le. Et des trucs très débiles que j'ai appris, bon, quand j'ai discuté avec des japonaises et nés, qu'en fait, le kekkon, qui est en fait le mariage, qui est très, très. Qui est encore pire que chez nous, hein, les Arabes, hein, tu le sais, Ismaël, la dot, tu la connais. Oui. Voilà, faut que tu ramasses assez de thunes pour aller récupérer la go, sinon c'est foutu. Et après, tu peux jouer sur la bienveillance du papa qui te dit, vas-y, donne-moi juste 1 euro. Parce qu'en fait, c'est une symbolique religieuse chez nous. Mais eux, c'est très pragmatique au Japon, c'est-à-dire qu'il faut avoir 1 million d'yens sur son compte, c'est-à-dire que c'est une garantie de. Tu vois, ce délire de. Si tu veux te marier avec une japonaise, faut que tu montres au papa que t'as. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Mais Ouais, c'est le fameux 100 en fait, avec le signe derrière du million. Enfin, ouais. Bref, c'est toujours ce délire comme ça. Et il s'avère que récemment, j'ai eu une chance assez inouïe, c'est que je fais du sumo, hein, t'es pas sans savoir, hein, Ismaël, tu le sais. Tu connais ma vie un peu. Je vous invite à checker son Instagram. Énormément de classe. Kilgamesh Tono. Ouais, exactement. Où un jour, il y a un gars qui est venu au pif. Zach, hein, s'il nous écoute, je ne sais pas, mais un Marocain qui vit au Japon depuis qu'il a 7 ans. Ah ouais. Et ouais, le gars, en fait, est japonais, quoi. Bah oui. Et ce mec, maintenant, est un combattant de MMA, voilà, semi-pro. Zach, ce Zach-là ? Alors, attends, tu me fais peur. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce truc de mal ? C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Zach, un fan de jeu, un dingue de SNK, de l'arcade, c'est vraiment un mec super. Du coup, c'est un arabophone, c'est japonophone, un, c'est un, il parle, il parle pas très bien l'arabe, il parle très bien le japonais. Ouais. Il est japonais. Mmh. Il est japonais. Hein. C'est, il est mec, pas. T'es sérieux. Il a nationalité japonaise. C'est lui, c'est obligé. Et, ouais, c'est. Attends. Mec, un mec en J-Labak s'appelle Zach à Tokyo, c'est lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. J'ai eu peur. J'ai grave il s'appelle Zach. Bah écoute, il y en a plusieurs, des Zach Jap. Zach Medid. Il est né là-bas et tout, enfin, ou c'est comment? Parce que voilà, il y a des cas rares comme ça de gars, c'est bête, hein, mais comme nous, en fait, en France, on est plus français qu'autre chose. Bah, il y a des étrangers qui sont plus japonais qu'autre chose, et bah, lui, c'était le cas. Et il m'a fait tomber pas mal d'idées reçues que j'avais sur le Japon et tout. C'est toujours intéressant de parler, même si je connaissais bien le Japon et tout. Mais il m'a dit, ouais, le mariage au Japon, c'est chaud, nanana. Avoir un gosse au Japon, c'est chaud, parce que la crèche, faut la réserver avant qu'il naisse. Lui, il s'est marié avec une japonaise, du coup. Lui est marié avec une japonaise, oui. Mais lui, c'est un cas un peu à part, vu qu'il est étranger, voilà, il y a un peu plus de facilité, entre guillemets. Mais bon, je ne veux pas parler de sa vie, voilà, sa place. Ouais. Mais en tout cas, il m'a montré qu'au Japon, il y avait pas mal de trucs qu'il ne fallait pas trop faire. Énormément de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Énormément. La liste est interminable. Quoi. C'est marrant parce que moi, le Japon, ça a toujours été. Quand j'étais période collège-lycée, c'était vraiment par la porte un petit peu culturelle, genre les mangas, les animés, des trucs comme ça. Ouais, et c'est tout que ça. Depuis récemment que du coup, je m'intéresse vraiment à la société en tant que telle, notamment via le programme Terrace House. Ah bah, pas ça, mais même. Mais justement, je sais que Terrace House, c'est vraiment très. C'est diffusé par Fuji, Represent. Justement, c'est pour ça que je t'en parle aussi. Mais. Et voilà, du coup, moi, ce qui me faisait rire, c'est que dans Terrace House, le comportement. Alors, on est complètement sorti du thème cinéma, mais on s'en fout. Ce qui me fait rire dans Terrace House, c'est les. Vraiment. Comment les choses se mettent en marche pour commencer un début de relation dans un couple, etc. C'est très, très, très lent. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif ou quoi que ce soit. Non, je ne pense pas. Bah, moi, je ne regarde pas Terrace House parce que... On a discuté avec Sofiane juste avant de passer la porte tout à l'heure. Mais Terrace House, c'est une fenêtre complètement irréelle de ce qu'est le Japon. D'accord. C'est-à-dire que le Terrace House qu'on voit sur Netflix, comme je disais à Sofiane tout à l'heure, c'est pas des Japonais, c'est des Ralph. Ralph. C'est des gens qui sont. C'est d'ailleurs un terme extrêmement péjoratif. Half. C'est des gens qui ont un parent qui n'est pas japonais. Oui, c'est vrai, il y en a pas mal. Ou alors, voire même des Américains qui sont des Japanese Americans, des descendants d'immigrés japonais, mais qui parlent japonais, donc qui sont recrutés. Oui, parce qu'il y avait notamment un moitié japonais, moitié iranien, moitié japonais, moitié nigérien. Donc, c'est des gens qui ont peut-être la nationalité japonaise, mais qui, au sein de la société japonaise, ne sont pas vus comme des japonais. Donc, on peut difficilement. Se rendre compte de ce que c'est que la vie sociale au Japon et la vie amoureuse à travers une télé-réalité qui est faite avec des gens qui malheureusement ne sont pas intégrés dans leur propre pays. Donc voilà, Terrace House, c'est à prendre avec des pincettes, c'est, je trouve. Quoi. Bah, je pense que c'est dans une moindre mesure, même si c'est pas dans le même registre, c'est comme si tu regardais les anges de la télé-réalité, ouais. Que tu étais à l'étranger, tu disais ça à la France. Ah, mais les anges, c'est des vrais Français. Pour le coup, c'est des vrais Français. Français. Mais c'est pas tous les Français qui sont comme ça. C'est pas tous les Français. Bon, bah non. Moi, bah, autour de chez moi, ils sont tous comme en ça. En bas de chez toi, ils sont comme ça. Ils se tapent et tout, ils se jettent des fourchettes et tout. Mais ouais, Terrace House, moi, je savais que c'était. En vrai, quand j'écoutais, tu rigoles. En fait, Terrace House, parce que Sofiane, dans son podcast, oui. CQLB, ouais. En a dit beaucoup de bien. Et moi, alors, je l'avais un peu c'est vanné. C'est très divertissant. Je l'avais un peu charrié, chambré, en lui disant, écoute, Sofiane... Mais tu sais que je me disais, je vais le piquer au vol. Non, mais... Tu sais que je me disais, je vais le piquer au vol. J'ai vu Fuji TV, j'ai fait atterri. Dès que je l'attraperai, là, mais il est au Japon. Après, voilà, donc, c'est peut-être pas représentatif, mais je suis d'accord avec Sofiane. C'est très divertissant. C'est vraiment ambiance cocooning, t'es chez toi, tranquille, en hiver. Ça, je suis d'accord. Mais ouais. C'est un programme bien ficelé. Après, est-ce que c'est représentatif? Non. Est-ce qu'il faut voir la vie c'est comme. Un programme de criminel. Bah, déjà, c'est. En plus, ouais, en plus. La bouffe, ils bouffent tout le temps bien, ils sont tout le temps bien sapés. La baraque comme ça, tu l'auras jamais au Japon, tu vois. Déjà, exactement. Rien que le logement, c'est irréel. Mais même la colocation, c'est rare là-bas chez eux, non? Ça existe quasiment pas. Moi, les seuls 4 colocs que j'ai vus, c'était des étrangers entre eux. Les guest house. Mais la guest house, oui, ça existe, mais ce n'est pas vraiment une colocation. Ouais. C'est-à-dire que tu ne cherches pas des gens avec qui habiter. Bien sûr. C'est t'habites dans un appart et ouais, il y a quelqu'un avec toi. Il y a des gens. C'est un système qui a été mis en place pour les étrangers, mais comme c'est très pratique, en fait, il y a beaucoup de Japonais qui habitent aussi en guest house. Moi aussi, j'habitais en guest house au début. Ouais. Ça, c'est pas très cher. Et... C'est pas cher, tout est compris et t'as rien à faire. Voilà. T'as pas de papier, t'as juste des sous à donner à quelqu'un c'est tous les mois. Exactement. C'est apparemment parfaitement légal. Et ça t'immunise contre tous les trucs un peu compliqués de la vie quotidienne, y compris les tâches ménagères, parce que certains ont des femmes de ménage. Et les omiyage, tous ces trucs de payer 50 loyers avant. Les ikin et les shikikin. Voilà, ouais. Shikikin. Ça se réserve en ligne, ce genre de choses? Ah oui, la plus grosse compagnie, c'est Sakura House, qui n'hésite pas à pratiquer des prix horribles. Irakiens, vraiment. Des prix hardcore. Parce que ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis Sakura très House, longtemps. C'est plus de 10 ans. Hein. Moi, j'habitais dans une guest house de Tokyo Stay, qui est une société de guest house implantée au nord de Tokyo, dans Ikebukuro et Otsuka, et qui fournissait un service plutôt pas trop mal. Mais maintenant, avec Airbnb et tout, ça c'est un peu mais il y a aussi des guest house... semi-privé, quoi, on va dire. Oui, tout à fait. Des guest house pour femmes seulement. Voilà, c'est ça. Ou pour étrangers seulement. Voire même des guest house pour des gens qui travaillent chez Anna, par exemple. Ouais. Tu vois. Oui, exactement. Et voilà. C'est là la compagnie. La compagnie aérienne. Une des deux grosses compagnies aériennes japonaises. Voilà. Qu'est-ce que je disais sur Terrace House? C'est que oui, voilà, le logement est irréel et évidemment. On va dire que Terrace House, c'est. Je disais qu'il y avait. Parfois, par quelques truchements, tu pouvais voir des choses de la vie au Japon. Je disais pas que c'était représentatif du Japon comme voilà, c'est la preuve que ils te mettent au moins un métis dans le casting quoi. Et les métis au Japon, tu t'en croises pas à la pelletée quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que vraiment quand j'ai regardé ça, je me dis c'est fou, il y a vachement plus de métis que je pensais. Il y en a pas énormément. Métis exotiques quoi, parce qu'une moitié nigérien, ça me serait pas venu à l'esprit. Il y en a pas énormément. Il y en a qui font les guignols à la télé, donc t'as l'impression qu'ils existent. Voilà, mais en vrai, bon... Le Japon, c'est 1%, moins d'1% d'immigrés. Hein, Bah oui, c'est pas un pays... Avec des Japonais, quoi. C'est pas du tout un pays comme la française. Avec une ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Ou les États-Unis ou... Mais par contre, si vous voulez voir... là, par contre, il faudra avoir recours au téléchargement, je pense. Ouais. Une série japonaise qui montre bien ce que c'est qu'une relation amoureuse et comment aborder... Comment draguer une femme. Nanpan. Comment essayer de s'en sortir sentimentalement quand on est un Japonais un peu avec sa vie, un peu loser, un peu dans son appart. C'est un drama qui s'appelle Moteki. Ah ouais. C'est l'histoire d'un jeune Japonais qui a une vie tout à fait basique et qui, tout d'un coup, il motelu. Motelu, ça veut dire avoir du succès auprès des femmes. Et trois de ses anciens amours déchus le recontactent, d'un coup. Et il doit jongler entre ces trois jeunes femmes et aboutir à une relation amoureuse. C'est du mytho, ça. C'est des fantasmes encore. C'est des fantasmes, mais la façon dont le personnage a d'approcher les femmes, de bien on fait cette activité, comment elle leur parle et comment il est stressé, etc. je trouve ça plus, plus réaliste, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses? Sans être un expert. Est-ce que tu as vu du Nampan? Moi, j'en ai vu un soir. Du Nampa, tu veux dire? Nampa, plutôt, ouais. Tu veux dire les gens qui sont un peu en mode « Hey, jeune fille, ouais, c'est voilà. Toi. » C'est chaud, ça. Alors, ça, je ne savais pas que ça existait. Je suis désolé, ça va faire gros. Vous voulez finir un petit peu? La dernière... Hein? Tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Alors le Nampa, c'est un truc que j'ai découvert la dernière fois que je suis allé au Japon. C'est de la dragouille un peu vulgaire. C'est de la drague en mode la canebière. C'est tu vas, les meufs sont là pour ça, les mecs sont là pour ça. Et en fait, c'est des c'est pas des soirées spéciales. C'est de la danse. Les gars vont non, c'est dans la rue. Les meufs vont serrer des gars voilà. Et ça, toute la night, comme je dirais. C'est ça. C'est... Section d'assaut. Ouais, exactement. Référence. Hein. Ça se passe le samedi soir. Exactement. Maître Gims. Maître Gims, le fa. Respect. Et en fait, c'est ça, c'est une espèce de bal dans certaines rues de Tokyo, de toutes les grandes villes, où les gens, les jeunes gens vont. On est bien, voilà, ouais, viens, ça veut dire on est chan, ouais, ça ouais. Veut dire mademoiselle. Eh, hey, mademoiselle, ça veut dire. Voilà. Ah, alors, moi, j'en ai vu. C'est honteux. Je suis désolé, mais ça va faire vraiment vas-y. Gros tu, geek. Tu l'es. J'en ai vu dans un game bar avec un gars. Un gars et son pote. qui avait lancé Ice Climbers sur la NES et il y avait deux japonaises à côté qui étaient là qui je sais pas pourquoi elles étaient c'est dans chaud. Game Bar. Elles étaient chaudes par là. Elles étaient là oh guys oh NES un chotto Ice Climbers qui est stand back et genre regarde je viens de finir Ice Climbers tu vois. Mais il leur disait quand j'étais petit je jouais Ice Climbers oh et il essayait de oh draguer là. Les femmes avec Ice Climbers sur NES. C'est sûr que c'était pas au Cowboy Café ça. Non, c'était au flashback, un très très bon game bar. Je prends note, parce qu'en plus ils reviennent dans Super Smash Bros, peut-être que ça va marcher. Ouais, j'avoue. Donc si t'arrives à finir Ice Climber sur NES, tu peux pécho. Il y a moyen. Le jeu est sain et rincé en plus. Et le jeu est super dur, tu vois. Ouais. Et puis il est pas très intéressant, soit dit en passant. Mais et genre le gars, tu vois, il était, hey, viens t'asseoir à côté, ouf. Alors tu joues aux jeux vidéo. Genre non, je joue pas et tout. Il leur filait la manette, il a été nul, mais c'est pas grave, je vais t'apprendre. C'est vraiment ouais, c'est drague de collège quoi mais, et c'est des trucs faits par des adultes et c'est pas tous les japonais qui font ça attention hein, les japonaises et des japonais qui trouvent ça il y a l'alcool qui joue aussi beaucoup l'alcool ouais l'alcool où il y a une certaine consommation de l'alcool au Japon qui n'est pas pareil qu'en Europe qu'en Occident il y a une consommation qui est surtout pardonnée oui c'est ça qui est fou ouais c'est ça ouais c'est ça on va pardonner il y a un membre du SMAP le boys band du Japon qui a été pris en photo tout nu dans le Yoyogi Koen en train de bégère, et on l'a pardonné. Alors que les quelques stars de la chanson japonaise qui ont été prises avec des stupéfiants, ouais. De la cocaïne, ah, c'est fini, du marijuana, c'est terminé. Un peu à la Hongkongaise avec tout ce qui est justement un produit stupéfiant. De toute façon, c'est ouais, un peu la Chine. Jackie Chan a voilà. Dit « Mon fils, c'est pas mon fils. Ouais. » C'est plus mon fils avec son trafic de marijuana et tout ça. C'est vrai que peut-être que c'est un trait asiatique. C'est asiatique, ouais. Et en Indonésie, tu vas en taule toute ta vie pour de la coke. Ou... Tu te fais même zigouiller. Tu te fais buter, hein. Ouais. Zigouiller. Thaïlande, pareil, tout ça. Et là, ouais, le Japon, on ne rigole pas. Et c'est un point où on va même quasiment nier l'existence de l'artiste. On va enlever les CD des rayons, annuler tous les partenariats, ça. Et puis, il y a aussi, malheureusement, c'est une des grosses affaires japonaises de 2016, je crois. Il y a aussi l'adultère, mais pour les femmes. Ouais. Avec la superstar, une talento britannique japonaise, Becky. Becky, ouais. Qui, on l'a appris, a eu une relation. Mais qui, Becky, qui apparaît Becky, dans les Gaki no Tsukai. Ouais, qui apparaît dans. Qui se fait même frapper. Elle ouais, elle se fait taï-kiké même. Ouais. Ah oui. Elle se fait taï-kiké. Ouais, taï-kiké. Et donc, Becky a eu une relation sexuelle avec le membre d'un boys band japonais. D'accord. Becky n'étant pas mariée, lui marié. Le gros connard dans l'histoire, c'est peut-être plutôt le gars. Ouais. Et pourtant, elle, on l'a déglingué. Ah, c'est la femme. Du jour au lendemain, elle apparaît plus. Elle n'existe plus là maintenant, en fait. Si, quand doucement, même. Elle revient. Mm. Elle s'est coupée les cheveux. Et doucement, mignon, elle revient. Ouais, mais yeux. C'était un visage un peu différent à la télé Jap. Et même si c'était une idole un petit peu stupido, c'était quelqu'un de très sympa et avec une joie de vivre et on aimait bien la voir. Elle dérangeait personne. Tout le monde l'aimait. Mais elle a eu le malheur d'avoir envie d'une relation sexuelle avec un gars, ce qui est quand même le truc le plus naturel au monde. Ouais. Et on l'a détruite, quoi. Ce qui est scandaleux. Genre, elle a voulu niquer le mariage du mec. Peut-être ils se sont dit, ça, c'est toujours des trucs comme ça. Ils tapent toujours sur la femme quoi, pour l'embrouille, c'est toujours ça. Hein. La tentatrice. Évidemment. Ouais, c'est toujours ça. Le rôle des tabloïds au Japon hein, qui court après ça. Hein. Mais justement, révéler c'est, les... mais c'est marrant parce qu'effectivement, ce phénomène-là, justement, où elle a été complètement supprimée de la société parce qu'elle a fait ce truc-là. Ouais. Tu penses que ça aurait été aussi le cas si c'était dans le sens inverse, ou ça aurait été un homme célibataire connu ? Oh, non, pas du tout. Parce que justement, dans Gaki Natsuke, de ce que je crois savoir, il y a Endo, je crois qu'il y avait une histoire comme ça, où justement il était avec une femme et il était connu pour être un peu coureur du jupon. Ah, et, c'est possible. Ça a fait les titres, mais en vrai, ils en rigolent plus qu'autre chose, quoi. Mm. Non ? C'est possible, je suis pas au courant, mais on va, comme dans beaucoup malheureusement de l'occidental, beaucoup plus facilement pardonner à un homme d'avoir couru à droite à gauche les jupons qu'une femme. Bien sûr. C'est comme ça au Japon, c'est comme ça ailleurs, sauf qu'au Japon, t'es détruit moralement. Quoi. C'est fini, quoi. Ta carrière, etc. C'est mort, quoi. Mm. La fameuse Erika Sawajiri, qui est une meuf blacklistée partout, quoi. Partout maintenant, qui a eu des embrouilles de, pareil, de ça, hein, de mêler à de la drogue, hein, me semble-t-il. C'est qui Sawajiri Erika? Sawajiri Erika, c'est une idol, talento, chanteuse. Ça me dit trop quelque chose. Et le délire, son... c'est qu'elle est moitié algérienne, moitié moitié japonaise. Ah, rappelle-moi son prénom. Erika Sawajiri. Et c'est une meuf qui est la femme la plus détestée du Japon. Elle est connue pour être la femme la plus détestée du Japon à cause d'histoires, d'embrouilles, de ça. Et parce qu'aussi, elle est, je pense, elle gueulait, quoi. Une chanteuse nippo-algérienne. Ouais, voilà. Ouais. Donc tous les mecs étaient au créneau, hein, évidemment. Tous les fans de Vegeta algériens. Quand j'ai balancé ça tous sur Twitter. Mecs, tu parles pas des japonais, tu parles plutôt des. Je parle des Hamid. Tous les mecs sur Twitter, dès que j'ai balancé ça, étaient montés au créneau en mode quoi, une japonaise algérienne et tout. Bah ouais. Mais... Est-ce que, grosse digression, est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du japonais que j'ai rencontré et qui travaillait en Algérie? Il y en a plein. Il y a plein de japonais en Algérie. Moi je me souviens, on était en 2010, quelque chose comme ça, j'étais en Algérie, dans un camp paumé, mais vraiment totalement paumé, et je fais une petite entorse, il n'était pas japonais, il était chinois. Mais je vois un gars se pointer avec un chapeau chinois, ce qui est déjà raciste en soi, et c'était un chinois, et qu'est-ce qu'il foutait là? Et j'avais juste bon, les Chinois, ils y sont depuis les années 90, mais quand ouais, même. Après, mais les Japonais, en fait, les Japonais, c'est quoi leur taf? Non. Essentiellement, c'est du BTP. Hein, voilà. Oui, ouais, c'est alors, et les Japonais, c'est les contremaîtres. Ouais. C'est les contremaîtres des Chinois. En fait, c'est des Japonais qui dirigent les Chinois. Et moi, j'en ai vu un à l'aéroport d'Oran. Et Sina, là, il avait le passeport avec la chrysanthème, là. Ouais. Et je fais, oh, Nihonjin desu ka et tout. Et après, il a commencé à me parler, tout ça. Et il était choqué que je parle Jap et tout. Mais je dis, moi, j'habite en France, j'habite pas en Algérie. C'est marrant parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a plein. Alors, vas-y. Non, l'histoire. C'était quoi la story? Je te l'ai sûrement raconté. C'était quand j'étais au Japon en 2011, en voyage. J'étais avec notre ami commun, Étienne. Ouais. Et on était dans un bar. On parlait français et tout. On descend, on sort pour aller faire autre chose et un gars qui nous rattrape dans l'escalier et qui nous fait « Excusez-moi les gars, je vous ai entendu parler français !» Et on se retourne et c'était un japonais. Ouais. Et il fait « Bah écoutez, moi j'ai pas trop osé, mais voilà, je m'appelle Takashi et j'y travaille pour les consortiums japonais de l'autoroute algérienne. » Eh, les autoroutes, donc, c'était il parlait français avec l'accent algérien. Il parlait français avec l'accent du bled. Tu sais que... Oui. Il parle avait appris le français et en lisant des journaux. Et en fait, il l'avait pratiqué qu'en Algérie. Et les mecs avaient parlé comme ça. Bah oui, bah bien sûr, tu prends l'accent. Bah oui, logique. Normal, ouais. Et nous, on a halluciné. Parce que le mec avait un français impeccable, mais avec l'accent. Exactement. Et il parle même la dirija, l'arabe algérien. Il le parle. Ouais, c'est possible. Moi, j'ai déjà entendu des Chinois parler, des Japonais parler. Pourtant, c'est des gens qui sont pas très ouverts sur les langues en général. Ouais, et là, j'ai toujours sa carte de vie. Mais c'est marrant parce que. Sérieux? Moi, en grandissant, j'ai rencontré quelques amis de lycée qui étaient le fruit de mariages mixtes, justement, moitié marocain, moitié chinois ou japonais, moitié algérien, moitié japonais. C'est rare. C'est très rare, mais il y en a de plus en plus, curieusement, en fait. Et Tant mieux, en soi. Bah, les gens bougent, quoi. C'est cool. Les gens bougent. Je sais qu'en Algérie, il y a du métissage. C'est assez commun. Ouais, c'est commun, ouais. Donc ouais, pourquoi pas, voilà, Japon. Moi, je vous propose de faire éventuellement une pause, parce que ça fait 1h40 qu'on parle. Ouais, c'est vrai. Oh mon Dieu. Voilà, donc petite pause, et puis après on va trouver un autre sujet. Voilà. Yes, allez, cool. Ça roule. À tout de suite. À toutes. Tu vas embrayer sur quoi, là? Donc là, c'est la fin de la pause, je parle au mois du futur, on va reprendre tout de suite. Alors, de retour, après avoir écouté une petite musique que j'aurais choisie ultérieurement, je pense que j'aurais choisi quelque chose de très japonisant. Un petit terrasse ou une petite générique de terrasse ça. Voilà. Ça peut être un bon goût. Au le moins. Bon goût. Ouais, ouais. Bah écoutez, on va quitter un peu les terres. Nippon. Quelques temps pour histoire de retourner en France et un petit peu évoquer le mois qui arrive, le mois de juillet, le mois d'août, les vacances, l'été, la période caniculaire, hein, encore une fois, ton expression favorite. J'ai utilisé deux fois, juste vous l'avez tous récupéré. I said it before it was cool. Du coup. L'été, moi, l'été, le film que j'attends le plus, c'est Mission Impossible Fallout. Ouais. C'est vraiment le film que j'attends le plus de cet été parce que j'ai maté tous les making-of de cascades possibles et imaginables. Ceux avec, évidemment, Tom Cruise. Notamment celui à Bercy où il se pète le pied en sautant. Regardez le Graham Norton Show. Ouais, j'ai vu ça. C'est hilarant. Et il saute d'un immeuble à un autre. Ouais, il se pète le pied, il est toujours suspendu. Pied, exactement. Il est genre en PLS accroché à son harnais. Là. Voilà, c'est ouf. Et là, le casting est triple XL. Vraiment intestable. Il y a Henry Cavill, Superman. Ouais. Il y a Tom, mais forcément il y a Ving Rhames. Oh. Il y a, tu vois, un ancien. Donc non, il y a que des oufs, vraiment que des oufs. Viola Davis. Voilà. Davis. C'est marrant parce que Mission Impossible, c'est une série qui s'apprécie vraiment avec le temps et plus on a des numéros, plus c'est agréable en fait. C'est pas, on n'a pas le feeling de Fast and Furious où vraiment ça fait vraiment je tire sur la corde et Oula là, on va se fâcher. Non mais je veux dire, en fait c'est Fast and Furious, c'est tout. On parle pas de Vin Diesel comme ça. Ah là, Vin Diesel ici. Non mais c'est ma corde sensible. Babouliner, il est sympa, mais ce que je veux dire c'est que Fast and Furious c'est agréable par moment à regarder, mais t'as vraiment l'impression que plus ça va, plus ça devient parodique et nanar. Quand même. Mais oui. Depuis le premier épisode, que le premier épisode, il est poursuivi pour vendre des lecteurs DVD et que dans le dernier, il donne un high kick à une bombe nucléaire, c'est qu'il y a eu, c'est que ça a monté. Sorti d'un sous-marin dans l'Arctique. Voilà, il y a eu un truc qui allait pas. Alors que justement les Missions Impossibles, je trouve que plus il y a des numéros, plus la formule elle s'améliore et elle est toujours de plus en plus intéressante, je trouve. Missions Impossibles, j'ai vu que les deux premiers à l'époque. Dans les années 2000, mais tout le reste, j'ai pas vu. Le premier, je sais plus c'était qui l'avait réalisé, mais je crois que le deuxième c'était John Woo, non ? Le deuxième c'est John Woo. Ouais, c'est ça. Mm. Et le troisième c'est DJ Abrams. Le quatrième peut-être Brad Bird, je crois. Qui d'ailleurs a réalisé Les Indestructibles 2, qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs. On va peut-être vous en parler la semaine prochaine avec Au Poste. T'es chaud vraiment pour Les Indestructibles là ? En vrai, non. T'as vu, même moi, en vrai, je m'en bats les steaks. Complètement. Le 1. En fait, c'est un film que je pourrais le regarder chez moi, mais. C'est un peu la flemme d'aller me déplacer. Même dans l'avion, je le regarde pas, je pense. Sérieux ? Moi, dans l'avion, j'en profite. Alors, parlons de l'avion. Dans l'avion, on en profite. Les films d'avion, c'est un bon thème. Ah, ça, c'est un bon thème, ça. Vous qui voyagez longtemps pour aller au Japon. Les films d'avion. Et alors, par exemple, Cloud Atlas. Ça dure 3 heures. C'est un film d'avion. Je l'ai vu en allant. C'est le film d'avion le plus parfait. Je l'ai vu. Voilà. Parce que je l'ai vu dans un Paris-Tokyo. Pareil. Moi, j'ai vu un Paris-Séoul. Et j'ai kiffé parce que ça te fait voyager à travers les temps et les époques alors que toi, t'es dans le ciel. C'est le Cloud. C'est Cloud. Non, mais Cloud Atlas a maté dans un avion. Hein. Attention. C'est ultra cool. Et trop bien. Pourtant, les frères Wachowski, c'est pas leur meilleur. Sœurs maintenant. Oui, les sœurs, frères Wachowski. C'est non, sœurs. Lana et. Je sais plus. Larry, enfin c'était Lana et Andy, Anna peut-être, je sais pas, je sais plus. Les sœurs Wachowski, c'est c'est Matrix et tout, mais là je trouve qu'il faut le dire, ils déchirent. Leur carrière, elle est incroyablement versatile et tout. Les gens ont beaucoup beaucoup massacré le film. C'est trop bien. Mais je pense qu'il y a une ambiance. C'est trop bien. Qu'il faut être dans un avion en fait. Prenez l'avion. Il faut être au-dessus de la Russie. Wow, exactement. Non mais vraiment, putain, c'est ouf. Mais je crois que j'en ai parlé des films d'avion, Ismaël dans CQLB. À chaque fois que je faisais un voyage, parce que on faisait. Oui, tu disais que tu regardais souvent des mauvais films. Je mets les films qui passeraient pas, ça me ferait chier de les mater chez moi ou au ciné. Comme Wonder Woman par exemple. Lui, je l'ai vu au ciné. C'est mal passé. Ah non, avion. Normalement, c'est avion. Voilà, le vrai gros film avion que je me suis fait avec un plaisir. Avec un plateau je me suis repas avion. De ouf, c'est le film Assassin's Creed. Pour lequel je n'ai pas envie de donner le moindre centime parce que j'ai donné trop de montants à cette série. C'est vrai, je me souviens. Et dans un avion. Tu vois, ça passe. Ouais. T'as Michael Fassbender, moi j'aime beaucoup. Tu sais, qu'est-ce qui est passé ? Niveau action, ça tue, Marion Cotillard. Ouais. Fassbender, ouais, ouf. Mais le film est zéro, attention à Assassin's Creed. Si tu le regardes dans un avion. C'est vrai ? Ah, tu vois, j'ai pas eu l'expérience. Ça passe. C'est vrai qu'il donne pas envie de regarder. Franchement, il est zéro. Moi je l'ai vu, ça m'a saoulé. Quoi. Moi, dès que je l'ai vu disponible en streaming, je l'ai mis dans un coin de la fenêtre pendant un mois. Et puis, fini par ça vaut pas le coup, sauf si c'est j'arrivais pas à me motiver à le regarder. Sauf si c'est gratuit et t'as que ça à faire, comme dans un avion, ça vaut pas le coup. Les avions, alors c'est l'occasion de voir des films qui sont même pas sortis et parfois en France. Oui, c'est vrai, c'est une bonne astuce. Ça, ouais. Voyager. Alors, j'avais vu un film que j'avais commencé chez moi qui s'appelle Passengers. Jennifer Lawrence et Chris Pratt là où ils sont bloqués dans un truc. Oui, oh là là. Et je l'ai maté dans l'avion, il est passé, je te jure qu'il est passé crème. Je te jure qu'il est passé crème. Et à la fin, j'ai fait ah ouais. En fait, ils voyagent comme moi, quoi. Alors moi, je l'ai vu quand j'habitais au Japon et j'étais venu en vacances de Noël en France avec un pote. On est allé voir Passengers. Donc... C'était horrible. Mais quelques jours à Paris, je les ai passés à voir cette daube. Putain, ouais, grave. Donc j'étais un petit peu deg, même si j'ai beaucoup de sympathie pour Lorenz et Chris, ouais, c'est Chris Pratt. Hein. Chris Pratt, ouais, Chris Pratt, ouais. Merde, moi, ce qui m'a tué dans Passengers, c'est que le film commence à marquer Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Andy Garcia. Andy Garcia, il apparaît dans 5 vidéos, secondes. Dans les vidéos, là. Ah, même pas. Il apparaît où? Dans les vidéos. Non, c'est la voix du mec dans les vidéos, c'est, du barman, non? C'est... Oh mon Dieu, j'ai un trou. C'est pas la voix du barman, plutôt? Non, c'est un gars de l'initiative de Passengers qui se réveille à la fin et qu'on voit 5 secondes. Quand ils atterrissent. Par contre, il y a un gars qu'on voit un petit peu plus, c'est Lawrence Fishburne. Ouais. Qui lui est le pilote, censé être le pilote. Ouais, qui se réveille. Ouais, c'est un bon film d'avion. C'était dit, sérieux, ouais, j'approuve, ouais. J'approuve. Ismaël, t'en as Bah, moi, cool. Le problème, c'est que j'ai pas trop voyagé en avion. Les rares fois où j'ai voyagé en avion, c'était des compagnies genre Aigle Azur. Donc, on était pas sur des écrans. Voilà, on était pas trop sur. Et puis, c'était des voyages qui duraient 1h30. Donc, bon, c'était pas trop ça. Mais si j'avais des films à regarder en avion, je pense que je regarderais les deux derniers Jurassic World. Ouais. Parce que c'est des ça, trucs... c'est un très bon film d'avion. Tu vois, c'est le blockbuster débile que t'as pas envie d'aller voir. Ouais. Et bon, il est dans l'avion. Et tu sais que tu vas l'oublier. Tu sais que tu vas l'oublier quand tu vas atterrir. Ouais. Il va y avoir une espèce d'intro, espace-temps entre deux. Ouais. Exactement. C'est un très bon exemple. Tu vois. Et puis c'est un peu divertissant au minimum. Ouais, les 1800 yens pour le 1, je les ai regrettés toute ma vie. Ouais. Non, mais je hais Jurassic World, mais vraiment. C'était très nul. Le 2, c'était. On l'avait un peu défoncé quand on n'a pas du 2 ici. Ouais, le 2. Je vais choquer beaucoup de gens, mais j'ai jamais aimé Jurassic Park non plus. Ouais. Bah ouais, mais moi, si je... enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je l'aime bien, hein, mais c'est que c'est pas un monument incroyable en fait, de ma vie. Je pense que après, Jurassic c'est peut-être Park, parce que c'est pas ma génération. Mais... C'est... Je pense que c'est un film générationnel, au même aussi. Titre que. C'est... Ça n'a rien à voir, mais au même titre qu'un film comme Le Parrain, qui, moi, quand je le regarde, j'aime, mais j'arrive absolument pas à ressentir ce que me disent mes parents par rapport à eux quand ils ont vu Le Parrain, quand c'est sorti, tu vois. Bah oui. J'arrive pas à être autant choqué par la performance de Brando, par l'histoire racontée et tout, parce qu'en en attendant, j'ai été biberonné à Scorsese ou même à Kitano dans le registre gangster. Donc moi, je vois Le Parrain, ouais. Mais c'est quand même violent, vraiment lourd. Notamment le 2 qui est le meilleur. C'est admirable, mais j'arrive pas du tout à m'approprier le film et sa beauté comme on pourrait le... Ouais. Et je trouve que Jurassic Park, c'est pareil. Et je trouve même que Zelda Ocarina of Time, c'est pareil. Mais ça, c'est une autre affaire. Ouais. Ah, c'est vrai que Zelda Ocarina of Time, si tu joues aujourd'hui, t'es pas bien. Moi, j'avoue, Ocarina of tu Time, vas détester. Je l'ai fait en 2014. Je l'avais pas fait à l'époque. 3DS. J'avais pas de Nintendo, j'avais pas de rien. Je l'ai fait sur 3DS, j'ai adoré. Voilà. Mais c'est pas la chose qui a marqué ma vie, comme tous les gens qui ont joué Ocarina sur of Time. Sur 3DS, il passe. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Mais... Alors, quid, tiens, on en profite. Terence, c'est un fan de Sega, Shenmue, tout ça. Shenmue 1 et 2, là, ils sont... Ah oui, des jeux vidéo très cinématographiques en sort. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la réédition de Shenmue 1 et 2 bah, à savoir moi, des grands super monuments. Il sort quand, d'ailleurs? Le 21 août. Alors moi, je suis super heureux parce que Shenmue, c'est ma série préférée de toute l'histoire des jeux vidéo. Et j'ai toujours dit, et je suis pas le seul, on est des milliers à penser à la même chose, que le seul souffle qu'il faut donner à la série nouveau, c'est pas un Shenmue 3, c'est un Shenmue 1 et 2 ressorti dans des consoles actuelles. Oui, pour l'accessibilité au pour l'accessibilité, la seule moyen de jouer à Shenmue 1, c'est un émulateur, certes, mais c'est aussi une Dreamcast qui, en 2018, va acheter une Dreamcast pour jouer à Shenmue. Voilà, et le jeu, surtout. J'ai jamais vu de Dreamcast en live de mes propres jeux. Bah, chez moi, on joue tranquillement. Ouais. Et le 2 est sur Xbox, rétro-compatible Xbox c'est One, mais même pas Xbox. Mal émulé. Et c'est pas une bonne version. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord que les joueurs actuels puissent avoir accès à Shenmue, ce qui va bientôt être fait. Mais, je sais pas si vous avez vu le trailer et les infos qui ont été révélées, moi j'ai un peu peur. C'est-à-dire que c'est pas du 60 FPS comme ils avaient prévu. Ah. Les cinématiques vont être en letterbox, c'est-à-dire en 4 tiers, alors que tu vas jouer en 16 neuvième. Ah non, c'est chiant ça. Et surtout, le Shenmue 2, c'est la version Xbox émulée. Oh. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que la version Xbox avait corrigé par exemple les défauts de ralentissement de la version Dreamcast. Mais c'est pas la vraie version. C'est pas la de la version c'est une Dream. Version qui est changée. La version Dream était quand même... Qui a de légers changements. T'es quand même boucherie. C'est pas énorme non plus, tu vois. C'est la même histoire, c'est le même gameplay, c'est le même tout. Mais alors moi, c'est ce que je trouve qui va me gêner un petit peu, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que... Vas-y. T'as vu quand j'ai fait le suave ou pas? Ouais. Je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. et le Shenmue 2, rappelle-toi, le dernier CD. Bien sûr, oui. Tu le mettais, c'était quasiment... Tout le CD, c'était quasiment la promenade. Ah ouais, là, je suis complètement d'accord avec toi. C'était poétique. Mais on peut pas recréer l'expérience du changement de CD. Mais tu vois, c'était pas ouf, ça. À l'époque, quand... Faut savoir que Shenmue 2, la fin du CD3, c'est un boss très difficile. Ouais. Et la récompense ultime, c'était d'insérer le CD4, le GD, pardon. Le GD, ce n'est pas un CD, c'est un GD. C'est un GD. Le GD-ROM de la Dreamcast. 2000 MO. Oui, le GD-ROM, le quatrième, voilà. Dans la Dreamcast. Et d'avoir, en fait, ce GD4 qui est une pure récompense. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu n'as qu'à marcher et à faire des petits QTE, des petits Quick Time Events, des séries de boutons pour traverser des rivières. C'est tout. Et là, t'as v'là les révélations, t'as v'là les choses sublimes qui se passent dans un cadre poétique. Onirique, poétique ouais. Et magnifique. T'es vraiment, vraiment dans la Chine continentale, profonde. Et là, il n'y aura plus vraiment ce sentiment. C'est-à-dire qu'on va battre le mec et c'est parti, quoi, derrière. Gros. Ouais. Et voilà, donc... Mais c'est pas quelque chose qu'on peut reprocher. Moi, tu vois, quand je suis content si aujourd'hui quelqu'un de 14-15 ans s'achète Shenmue 1 et 2 HD, il y joue, il me dit c'est génial. Je vais pas lui dire, bah de toute façon, à l'époque, t'as pas le choix de le CD, mon petit gars. C'était mieux avant. Tu vois, c'était mieux. Moi, je suis pas dans le mode c'était mieux avant. Non, bien sûr. Je suis complètement pour mais à 100%. C'est dommage qu'on perde ça. Les portages HD, les remakes, que c'est une chose très très bien. Ça permet, à même moi aussi. Hein, ouais, grave. Il y a plein de jeux d'époque. Moi, j'étais. Tu vois, genre, j'ai raté Beyond Good and Evil, et bah, je l'ai refait sur Xbox, j'étais trop content. Ça m'a permis de ne pas avoir à l'acheter une blinde sur GameCube. Et le 3, quel que soit le 2. Non, le 3. Ah, le Shenmue 3 ? Ouais. Ouais, moi, Shenmue 3, je suis quand même un peu optimiste. Ah, je pense qu'il ne faut pas non plus casser du truc sur le dos de Yu Suzuki, qui a quand même très peu de temps pour réaliser un des jeux les plus attendus de tous les temps. Il a eu un financement de la part des joueurs. Je suis désolé, mais 6 millions de dollars pour faire un jeu, c'est quand même pas grand-chose. Ouais. Donc, Sony a mis des fonds, ça va marcher. Reste à voir à quoi ça ressemble. Moi, je sais que la localisation, la traduction française a commencé. Donc le projet. Ouais, ils viennent d'envoyer le mail là. Alors le mail pour les surveys, mais moi je tiens de sources infiltrées. Ah d'accord. Que... Ah, t'as pas participé au financement. Non, j'ai des connexions qui me disent ça y est, la loca, on a reçu le script, on commence. D'accord. Okay. Donc le jeu avance, le jeu est en bon rail. C'est très bien qu'il ait été repoussé. Prenez votre temps. Hits, il y en a sans arrêt qui sortent. On n'a plus le temps, on est complètement. Étouffé et noyé dans la masse. L'année qui va suivre, elle va être compliquée. Il y a des hits tous les 3 mois. Et l'année précédente, l'année 2017, on n'a jamais eu ça. Ouais, il y avait trop de jeux. L'année 2018, on en est en juillet et il y a déjà eu tellement de hits. Monster Hunter, God of War, j'en passe des meilleurs. Enfin, prenez votre temps, sortez votre jeu quand il n'y aura pas un Red Dead Redemption ou un Cyberpunk à côté. C'est très bien. Et il ne faut pas être trop non plus négatif parce qu'on voit un tel ou tel trailer, qu'il y a des choses qui ne plaisent pas et tout. Je pense qu'il faut garder un état d'esprit positif. Le jeu vidéo, s'il y a quand même bien un média qui peut te surprendre, positivement comme négativement, c'est bien le jeu vidéo. Il faut prendre le jeu tel qu'il est, c'est-à-dire c'est pas un triple A, c'est pas un jeu indé non plus, mais c'est pas un triple A. C'est un jeu où il va falloir pardonner les lacunes pour avancer. Donc moi, j'ai mis des sous dans le Kickstarter. Le jeu, il existe. Ouais, pareil, je suis très content. Hein, J'ai précommandé Shenmue 1 et 2 HD, ils arrivent, c'est très bien, je suis on très est bon. Heureux. On est bon. Puis ça se trouve avec l'avènement du Twitch, peut-être que ça va vraiment démocratiser un petit peu la... Bah, le truc c'est que maintenant que Shenmue 1 et 2, enfin, après des années, vont ressortir, malheureusement c'est un petit peu trop tard, parce que le 3 est déjà lancé, les gens qui ont backé le 3, c'est pas les gens qui vont jouer à Shenmue 1 et 2 HD, c'est les fans de la première heure. C'est un peu bête. Ouais. C'est des gens qui ont joué à Shenmue 1 et 2... avant que le 3 soit annoncé, que ce soit un an ou 10 ans avant, peu importe, c'est des gens qui connaissent le jeu et la licence, qui connaissent Suzuki, qui connaissent Sega et qui connaissent aussi un peu Kickstarter, c'est-à-dire quand même très peu de joueurs finalement. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est que Shenmue 1 et 2 HD arrivent dans un timing nécessaire pour que les joueurs se disent oh, mais le 3 arrive, j'achète le 3, pour qu'ensuite la série ait une vraie lisibilité et qu'on ait peut-être un 4 voire un 5, parce qu'on sait d'ores et déjà que le 3 ne finira pas l'histoire. Oui, mais on le sait même depuis longtemps que c'est il voulait faire une quadrilogie voire une sextilogie, je trouve. Il voulait faire une même plus hein. À la base ça devait être un jeu par chapitre. Alors en fait à la base le 6 jeux, je ça avait pas été précisé, mais la structure scénaristique de Shenmue a été vachement modifiée, parce que moi quand j'ai découvert Shenmue vers 2005-2006, oui. Les infos qui étaient encore disponibles sur le web, c'était Shenmue 1 égale premier chapitre, Shenmue 2 égale chapitre 3, 4, 5, 6. Ah voilà. Et il va y en avoir 16. Et là maintenant, Yu Suzuki dit il devrait y avoir 11 chapitres et le 2 s'est arrêté, je sais plus, donc ça a été un peu changé. Bref. Ouais, on s'est éloigné des films d'avion, est-ce que. Ouais. Bah ça tombe bien parce que là, de toute façon, c'est la fin d'émission, donc on peut faire nos recommandations. Est-ce que tu dirais que ta recommandation, c'est la série Shenmue ? Ou t'as autre chose à recommander ? Alors, de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça, ce que je recommanderais vraiment, c'est les films de Matsumoto Hitoshi, c'est les films de Kitano, si les, vous avez encore la chance de ne pas l'avoir eu et de pouvoir les découvrir, parce qu'ils sont accessibles, je pense que dans beaucoup de médiathèques, vidéothèques, oui. voire peut-être même en VOD. À mon avis, ça doit être trouvable à la vidéothèque ça doit être, François Truffaut. Voilà, à la médiathèque des Halles. Ou, ouais, Kitano, tu trouves. Hein. Kitano, c'est accessible, Matsumoto peut-être moins. Ouais. Et je recommanderais vraiment à, de parcourir toute la filmographie de Kitano, il n'y a presque rien à jeter, et de Matsumoto. Et si on parle jeux vidéo... oui, bien sûr, essayez de, si vous ne l'avez pas fait, jouer à Shenmue HD 1 et 2 quand il sortira le 21 août, bien sûr. Ok, bah merci. C'est mon message du cœur. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, et merci toi, Sofiane. Alors moi, je recommande une biographie de Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, Zelda, Donkey Kong, Yoshi, et concert, et Wii Music aussi. Est-ce que c'est qui, chez Sœur d'édition c'est pas chez Sœur, c'est Pix and Love. Ah, mais si c'est les pas chez là, c'est l'autre. Les vrais. Exactement. Et les vrais. Et les en vrais, vrai, les deux sont les vrais. Voilà, ils font un boulot, quoi. Bon, il y a un peu plus de fioritures chez l'un plutôt que chez l'autre. De ce que j'ai vu, après, je n'ai pas tout les vu. Les deux ont un message honorable. Oui. Pas effectué avec la même qualité, toujours. C'est ça. Voilà. C'est, en tout cas, on en parlait tout à l'heure avec Terence, on disait que c'est assez unique dans le monde du jeu vidéo de faire de l'étude de jeux vidéo. Quoi. C'est en France, c'est un truc qui a le vent en poupe. Et oui, il y a cette biographie qui s'appelle « Sur les traces de Miyamoto », qui est écrite par William Oduro, qui est l'ancien rédacteur en chef de Nintendo Mag, un magazine qui nous a accompagnés toute notre adolescence dans les débuts des années 2000. Qui était là avec la 64, qui a continué avec la GameCube. Jusque la Wii. La DS, la Game Boy Advance. Jusque la Wii U, je crois que le dernier truc, c'est la Wii U. Ouais, ils l'annonce ont pas couvert de la Wii U. L'annonce de la Wii U. C'était sur quasiment une dizaine d'années. C'était j'étais abonné, c'était un truc que je faisais tous les mois. Oduro et tous ces autres contributeurs qui ont contribué à la rédaction du magazine. Ouais, c'est c'était incroyable ce truc. Oduro qui aujourd'hui est au Monde, donc ça prouve que c'est quand même pas... Il a le talent, il a, en tout cas l'écriture est incroyable, c'est du storytelling, hein, vraiment storytelling, et c'est rudement bien documenté avec 50 pages d'annexes, voilà, avec tout ce qui, tout le temps en bas, notes de bas de page, tout ce qu'il dit, c'est pas sorti de n'importe où, et c'est vraiment très très bien. Les 200 premières pages se dégustent vraiment comme ça, comme du sukiyaki. Et parce que ça raconte l'histoire de la jeunesse de Miyamoto, de qu'en fait Animal Crossing, ça vient d'un show japonais dans les années 70 avec des peluches dans une Ningo no Mori, un truc comme ça. C'est la forêt des poupées. Ça avait été parodié dans les pubs TV même. C'est ça ? Ouais, bah voilà, ça vient de là. Ça t'apprend des trucs vraiment, tu ne sais pas d'où sortent, ou le moindre monstre de Zelda, de Mario, de... Pourquoi, en fait, il y a le marteau, il marche tout seul dès que tu le prends dans Mario. Pourquoi Yoshi? Pourquoi... voilà, la tous ces trucs-là. Voilà, c'est vraiment très, très bon. Je vous invite à écouter le CQLB qui sortira bientôt, où je parlerai de Nintendo très profondément. Justement, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Je vais en parler une bonne petite heure, je pense. Et donc ça, vraiment. Chez Pix & Love, sur les traces de Miyamoto, de William Oduro, c'est intestable. Super. Très bien. Tu parlais de Sukiyaki, je te filerai les adresses de Sukiyaki Halal à Tokyo. ouais. Ok. Nice. Bah, moi, je vous recommande un petit podcast sympatoche qui s'appelle C'est quoi les bails ? Ça fait vraiment La doublette. Mais en vrai de vrai, si franchement, je vous le recommande pour les gens qui nous écoutaient et qui n'est toujours pas abonné éventuellement. Parce là, que c'était chaud là récemment. Excuse-moi, Ismail. C'était chaud parce que brevet, tout ça, taf, chaud. Guillaume, pareil, taf, tout ça, déplacement, voilà, salle et tout. Et comme on essaye d'avoir son frère en featuring là, sur les épisodes qui arrivent en ce moment, c'est difficile parce qu'il habite à Los Angeles. Ouais. Donc on est toujours en duplex, ça fait un décalage, voilà, donc c'est chaud de l'avoir. Il bosse aussi, évidemment. Mais quand bien même, moi je vous recommande quand même leur podcast parce que justement, c'est quelque chose qui se consomme de façon assez intemporelle en fait. On peut aujourd'hui, on peut regarder les premiers épisodes un peu dans le désordre parfois même. Et c'est quelque chose qui se consomme très très très rapidement et de façon avec un grand plaisir, vraiment. Parce que j'ai pas mal taffé. Dans des moments un peu compliqués et avec ça dans les oreilles, c'était très agréable. Vous êtes très drôle. Ouais, c'est très très drôle parce qu'on est tout de suite vachement, on a l'impression d'être dans une bande de potes, au milieu d'une bande de potes, et c'est vraiment très agréable. Par contre, si vous conduisez des T-Max, je vous déconseille l'écoute de ce podcast. Parce qu'on est très tard. Tu te souviens, Ismail? Les T-Max. Déteste les conducteurs de T-Max. Ah, c'était l'un des meilleurs podcasts. Les Vespa et les T-Max. Excellent. Mais du coup, ouais, je vous recommande encore une fois leur podcast. C'est quoi les bails? C'est QLB, aussi leur Instagram. Parce qu'ils ont un Instagram. Ouais. Et avec le travail de Guillaume. Ouais. Et donc, vous êtes sur iTunes. On est sur iTunes, on est sur SoundCloud, on est sur Podcast Addict, on est sur tous les serveurs, les distributeurs de podcasts. Lâchez les 5 étoiles, évidemment. Et lâchez-les. Lâchez les 5 étoiles, c'est un podcast qui mérite d'être beaucoup plus connu et de, éventuellement, peut-être, pourquoi pas, un jour gagner un Patreon. Et, non, je pense pas, vu qu'on travaille, donc on a de l'argent, ça va. Ça peut être sympa. Mais un petit matos en plus. C'est le seul mec au monde à avoir dit ça. on va pas gratter de l'argent à des gens, ça va être du vol, tu vois, un peu. Donc. C'est bien, c'est mais, voilà. Mais, à part parler en vacances ou quoi, si vous voulez nous payer des trucs, nous, on veut bien, voilà. ce sera... Mais Ismaïl, bientôt d'ailleurs. On peut teaser. Tu viendras, Terence, évidemment. Alors là, c'est obligatoire. Ouais, avec plaisir. C'était littéralement mon rêve d'enfance. Voilà. Comme disait Jean-Claude. Et des bisous à tous ceux qui n'ont pas pu venir. Jérémy qui est en vacances. Léa qui est ailleurs d'ailleurs aussi. Tommy qui n'a pas pu venir. Gauthier. Estelle. Estelle aussi. Guillaume. Guillaume. Guillaume qui aurait pu venir après. La meilleure. Cam qui est toujours en résidence avec des vieux. Longue histoire, mais c'est pour la création. Et qui viendra nous faire du slam d'ailleurs. Peut-être slam. Elle fait du slam. J'ai écouté quelques trucs qu'elle a écrit. C'est assez lourd. Vivement son arrivée. Peace. Des bisous. Voilà. Et écoutez, c'était un plaisir. On a fait pile poil 2 heures d'émission, mais je pense qu'au montage, ça fera un peu moins. C'était un kiff. Et donc, on va reprendre ça. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Lâchez les 5 étoiles sur Very Good Bad Movie sur iTunes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. La bise. Ciao. À bientôt.